Bonjour, Ah, ah, on va pas parler. On est en direct, on est en direct. Bonjour. On y est. On y est. Attention, on écoute la FM pour voir si on y est. Normalement, on est en air, mais je pense qu'il y a un petit décalage. Bonjour à tous. Bonjour. En direct de la Caradoc, qui n'est pas vraiment dans la Caradoc, puisque nous sommes dans le cage. On avoue, il fait un peu froid, il fait un peu humide, et pour ramener des gens, on s'est dit que c'était mieux à l'intérieur, plutôt que dans la caravane. Donc voilà, petit jingle. Caradoc est là, je crois qu'elle est bien là. Elodie, elle est là, la Caradoc ? Oui, elle est là, la Caradoc. La Caradoc excentrée. Oui, tout à fait. Désolée, hein, on n'a pas... Ah, on a pas installé. C'est bon, tout marche. Petit Larsen, désolée. Donc, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire la dernière émission. On est très triste, je crois, de faire la dernière émission. Oui. Enfin, heureuse de la faire, mais triste que ce soit la dernière. Snirf, snirf, snirf. Très triste. Très triste. Mais c'est une journée tout à fait particulière. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de quoi ? On va parler... On va parler des de quoi ? On va parler des meufs. Des meufs. Ouais, on va parler des meufs. Pascal, alors la Caradoc, on est une équipe de meufs. Ouais. Déjà, vous le saviez peut-être pas, parce qu'on a peut-être des voix graves, hein, mais... mais il y a quand même beaucoup de filles. Il y a des garçons qui sont passés, hein, on les exclut pas. Je sais pas, il y a un garçon, là ? Oui, je suis là, ouais. Je suis là, bonjour. Bonjour, Hugo. Bonjour. Un petit mot pour cette émission dédiée à la place des femmes dans le quartier de la Grand Fond. Je suis très content de participer à cette émission. Je veux bien l'animer d'ailleurs, en tant que voilà, je peux faire l'animateur si vous voulez, vu que je suis un homme. Ah bah ouais, pourquoi pas. Mais on a besoin de voix masculines pour animer des émissions. De voix masculines mais radiophoniques, s'il vous plaît. Donc voilà, je crois qu'on a été rejoint par par Nathalie Lemasson. Nathalie Lemasson, qui interviendra tout à l'heure. Ah, Nathalie. Nathalie. Pardon. Nathalie. Nathalie Bip. Nathalie. Désolée, qui est une Nathalie habitante du quartier. C'est ça. Et qui va nous parler de son expérience d'habitante du quartier ici. Qui s'assoit à côté de moi. On va pouvoir entendre sa voix. Oh là, une porte à claquer. Bonjour. Donc, est-ce qu'on explique un petit peu, du coup, on s'était dit... Alors, en fait, on a fait le conducteur. Et on a fini le conducteur en retard parce qu'on a eu un grand débat justement sur cette émission. Du coup, on s'est dit qu'on allait faire un petit tour de table tout ensemble pour exposer un peu notre idée de cette émission, de quoi elle est partie, ouais. Et qu'est-ce qu'on pense en faire en fait. D'accord. Donc Elodie, je sais pas si tu veux commencer. Ben en fait, la première visite qu'on a faite dans le quartier avant d'amener la Caradoc ici, c'est qu'on est parti par petits groupes. Et le premier petit groupe dont je faisais partie, on est parti dans la rue, on s'est dit, ben on va parler avec les personnes qu'on rencontre. Et on est resté un peu plus de 2 heures. Et sur ces 2 heures, qu'est-ce qui s'est passé ? On a rencontré que des garçons dans la rue. Oui, oui. Il était, alors si on peut donner des horaires, je sais pas, c'était l'après-midi. C'était un mercredi ou un mardi ? C'était un jeudi. Un jeudi. Un jeudi. C'était un jeudi. C'était un jeudi et donc au fil de notre promenade, voilà, on a pu rencontrer des garçons, que des garçons, pas une seule fille. Et donc ça nous a, voilà, dans notre visite touristique, ça nous a interpellés. On s'est dit, tiens. Où sont les femmes ? Où sont les filles ? Et Flo, je crois que tu as eu un aperçu un peu plus... Ouais, moi, quand je suis arrivée à la Grand Fond pour faire des enregistrements, je ne me suis pas posé cette question du tout parce que je suis arrivée un vendredi et qu'il y avait des femmes partout là où j'allais. C'était pour l'épicerie sociale, il y a des personnes qui attendaient dans le cage. Qui était devant le cage, et puis je suis allée à la maison de l'enfant aussi, où j'ai rencontré beaucoup de femmes. Je suis allée voir les bénévoles de l'épicerie sociale, qui étaient principalement des femmes aussi. Il y avait 2 hommes bénévoles. Et donc, moi, je ne me suis pas posé cette question, effectivement. Mais par rapport à la question que vous vous êtes posée, vous, bah, du coup, je suis allée refaire une visite hier soir, en posant cette question aux personnes que je rencontrais. Et il y avait deux garçons qui étaient sur un banc, deux mecs qui étaient sur un banc. Je sais pas quel âge ils avaient, je pense qu'ils avaient 18 ans, un truc comme ça. Ils étaient juste à côté du cage et je leur ai posé cette question. Enfin, je leur ai présenté les choses comme ça, c'est-à-dire l'émission d'aujourd'hui. Je leur ai présenté l'émission d'aujourd'hui et c'est une question qui leur paraissait bizarre, et à la fois la discussion elle est partie sur la différence homme-femme, c'est-à-dire ce qu'on peut se dire, ce qu'on peut pas se dire. Et par exemple, on a eu une discussion sur c'est lui qui est arrivé sur les discussions. Dès qu'il y a une femme à côté de lui, en fait, ça devient intime et on peut pas parler de n'importe quoi. Enfin, de tout et n'importe quoi. C'est ce qu'il disait. Il était à côté de son pote et je lui demandais, alors avec ton pote, tu peux pas, enfin, tu pourrais pas être pote avec une fille. Et il me disait que non, ça serait difficile d'être pote avec une fille dans le sens où il pourrait pas parler des mêmes choses. Et il est parti sur directement l'intimité, et par exemple les règles, le fait de parler de ces règles, c'est un truc qui se parle entre filles, comme si on parlait que de ça entre filles, en fait, c'est l'impression que ça m'a donné. Avec Elodie, on en parle beaucoup, hein. Et moi, on en parle aux garçons aussi. Enfin, moi, personnellement, j'en parle aux garçons. Mais et quand j'ai exposé ça, ils disaient ah non, ça, c'est pas possible. Et je disais oui, mais c'est comme si tu parlais de ta douleur au genou. C'est une douleur comme une autre. Et ils me disaient mais non, ça touche à l'intime, ça touche au sexe directement en fait. Alors que ça touche pas au sexe en soi dans le sens sexuel. Ça touche à l'intimité, mais à la douleur, à une douleur dont on peut parler comme une douleur, simplement. Et bon, bref, on est parti là-dessus, et j'ai rencontré d'autres personnes après. Il a interpellé une personne qui se baladait dans le quartier, et je lui ai exposé la même chose, et il trouvait ça très bizarre comme questionnement de base. Et du coup, il s'est demandé à quelle heure on était là et comment ça se fait qu'on se soit posé cette question. Et il était plutôt énervé par cette question. Mais je saurais pas quoi en raconter au final de cette rencontre. Et après, je suis allée vers une personne qui allait chercher son enfant. Donc hier, il y avait une garderie à la maison de l'enfant à côté du cage. Et cette femme allait chercher ses enfants à la maison de l'enfant. Et donc je lui demandais si elle sortait beaucoup. Elle me disait que non, elle restait beaucoup à la maison, qu'elle aimerait plus sortir, mais effectivement, elle sortait pas beaucoup. Et qu'elle s'occupait de ses enfants et beaucoup et que dehors il faisait froid en ce moment aussi. C'est un truc qui a été redit, c'est qu'en ce moment les femmes on les voit pas beaucoup dehors parce que il fait froid tout simplement. Tout comme les hommes, on en voit très peu. C'est vrai qu'on en voit aussi peu. Mais voilà, elle m'a parlé de elle son ressenti par rapport à ça, et elle disait que à la fois ça évoluait la place des femmes, le rôle des femmes. Dans le couple surtout, elle était mère seule, famille monoparentale, et donc elle avait, elle parlait du fait qu'elle s'occupe beaucoup de ses enfants, mais que son ex-compagnon s'occupait, savait quand même changer une couche par exemple. Elle parlait du fait que le père de ses enfants savait au moins changer une couche, alors que son frère savait même pas faire ça et qu'il l'avait jamais fait, quoi. Et il le laissait totalement à sa compagne. Enfin, voilà, on a parlé de tous ces rôles-là. Et ma balade s'est finie comme ça, quand elle a récupéré ses enfants. Voilà. Et donc, tout ensemble, en bon touriste, on ne s'est pas arrêté sur ces 2 heures de visite en se disant « Mais où sont les femmes ?» Évidemment, on a enquêté. Et on en a sorti un questionnement quand même un peu plus large, qui est plutôt « Quelle est la place des femmes dans le quartier ?» Tout à fait. Et alors là, on était en train d'échanger avec Nathalie, qui me disait que par rapport à ce qu'on était en train de dire, elle avait peut-être des petites choses à dire par rapport à ça. On peut te passer le micro ? Alors j'ai grandi dans une cité qui ressemble à celle-ci, dans les années, donc je suis un petit peu plus vieille que vous, dans les années 70-80. Et Céline ! Céline aussi est née dans les années 70. On est deux. Une cité qui s'appelait Bel Air aussi. Il y a beaucoup de cités qui s'appellent Bel Air. Ben voilà. Non, moi, c'était rue Salvatore Allende à ce nom. Sinon, il y a Beaulieu aussi. El Presidente. Donc là, on parle de... Si on évoque le sujet de la mixité, moi, j'ai connu l'école des filles, l'école des garçons, donc maternelle, et puis après le mélange de la maternelle, et après la séparation au CP, et puis l'arrivée de la mixité à l'école. Donc on a fait la transition, nous, en CE1 ou en CE2, je ne me souviens pas bien de cette mixité. Sur le terrain, mixité filles-garçons, à 100%, enfin voilà, il y avait, c'était une époque où... On était dehors tout le temps, donc pourquoi on était dehors tout le temps, s'il n'y avait pas la télé et les écrans tous les jours. Donc on était extrêmement autonome. Ça nous serait pas venu à l'idée d'aller demander recours à un animateur ou un professionnel de l'animation quand on était petit, quand on était ado. On gérait nos temps libres. Garçons et filles, alors avec frères et sœurs aussi, ça jouait aussi le fait d'être frères et sœurs dans la cité, parce que du coup les parents autorisaient à ce qu'on sorte s'il y avait nos grands frères avec nous aussi, ça c'est quelque chose qui jouait. Mais le terrain était occupé par les filles et les garçons, voilà. Alors dans ma cité, mais je pense qu'en France ailleurs c'était un peu pareil, et les familles, c'était pas les mêmes configurations, parce que les mamans étaient beaucoup au foyer. Les mamans qui travaillent, ça arrive beaucoup plus tard dans la société. Donc les mamans, elles peuvent être à la maison, la porte du balcon ouverte, et nous on joue et on fait tous les trucs possibles en bas. On apprend à faire des vélos, du vélo. Alors non, nous, moi les patins roulettes, ma mère elle voulait pas. Ça les patins roulettes, il y avait rien à faire. Alors fallait qu'on aille se cacher pour les patins roulettes. Mais voilà, le vélo, j'ai le souvenir, on a un seul vélo et le pâté des trois HLM, un seul vélo pour tout le monde. Alors là, les grands frères, ils gèrent, là. Et on apprend tous à faire du vélo sur le même vélo. Voilà, garçons et filles. Donc c'est plutôt des très, très, très bons souvenirs. Et alors, si, bien sûr, je me projette ici dans les années 2000, je suis arrivée en 2002 dans la cité Bel Air, ici, dans le bâtiment d'en face, d'ailleurs, avec deux enfants. Donc une fille école primaire et un garçon qui rentre au lycée. Et là, non, c'est plus la même configuration sur le terrain, mais c'est la mixité au centre de loisirs, c'est la mixité dans les ateliers qui sont encadrés. Ma fille, moi, elle est dehors avec tous les autres enfants. Et à l'époque, qu'est-ce qui a changé dans mon arrivée en 2002? C'est qu'il y a des familles qu'on appelle les familles historiques dans le quartier. C'est-à-dire que des familles qui sont là depuis longtemps... Donc Bel Air Grand Fond, il y a des familles du Portugal qui sont là arrivées il y a très longtemps. Il y a des familles d'Algérie, du Maroc, Sénégal, Guinée. Moins Mayotte à l'époque. Mayotte, c'est plus récent en fait. Mais des familles qui sont là depuis très longtemps. Et du coup, tout le monde connaît tout le monde. Et quand tout le monde connaît tout le monde, les enfants peuvent jouer dehors. Donc en bas ici, il y avait deux familles sur ce qu'on appelle la place du toboggan, parce que on n'a jamais su comment ça s'appelait. Si vous descendez le chemin là derrière, c'est la place du toboggan. C'est le petit parc. Alors non, le petit parc, il est là-haut, le parc enchanté. Il y en a un autre en bas, juste. Ouais, il y en a plein. Donc c'est pas la place du toboggan, ça c'est un parc. Tout le monde les appelle différemment, ça dépend. Moi en 2002, c'était la place du toboggan, mais voilà. Après, il y a la place rouge parce qu'il y avait du gravier rouge, mais le gravier rouge, il y est plus. Alors c'est compliqué hein, quand on appelle nous-mêmes comme on peut. C'est ça, c'est... Voilà. On est perdu. Oui, c'est ça. En fait, mais c'est ça qui est bien, la Grand Fond, c'est de se perdre. Hein. Faut commencer par là. Les noms, en fait, c'est donné par les habitants. Mais c'est ça qui est bien. Il y a les noms officiels et les noms du... Voilà. Voilà. D'accord. Donc voilà, quand je suis arrivée, ma fille, elle joue avec tous les autres enfants en bas et c'est plein de mamans qui surveillent tous ensemble. Et ça s'est un peu perdu. Pourquoi ? Parce que depuis quelques années, il y a un gros turnover sur la Grand Fond et que on se connaît moins forcément. Donc si on se connaît moins, on sort moins. Et puis moi, si ma fille avait 8 ans maintenant, je la laisserais peut-être pas sortir si je connais pas les familles qui sont autour et s'il y a personne pour me la surveiller quand moi je suis au boulot ou autre. Donc c'est une question de lien social. C'est une question de lien. Puis le lien, c'est pas un truc écrit sur un dossier. Le lien, c'est un truc qui se fait avec le temps, pas avec le temps, puis avec l'action aussi. Qu'est-ce qu'on fait à l'intérieur de ce temps ? C'est ça surtout. J'étais un peu longue là sur. Ah non, mais merci beaucoup. J'étais 1970-2000, je vous l'ai fait. Hein. C'est bien, on a un peu le point de vue historique de la mixité dans le quartier. Alors, on a été rejoint par. Madame Chazette Soulaï. Et vous êtes habitante du quartier ? Je fais partie de l'association Au fil des femmes. D'accord, ah oui, Au fil des femmes. On n'avait pas votre nom encore, on ne savait pas qui c'est qui venait de l'association, mais effectivement, on avait invité l'association à venir nous rejoindre. Ainsi que, je ne sais pas si je peux avoir un autre micro. Merci. Bonjour. Bonjour. Alors vous représentez l'association Art, Culture, Équité. Oui, bah, Fatia Damani. J'ai le grand plaisir aujourd'hui de te rencontrer, parce que je connais la présidente Mélisse d'Au fil des femmes. Et en fait, aujourd'hui, il y a un atelier d'écriture de 13h30 à 17h30, parce que l'association Au fil des femmes, parmi les nombreux défis qu'elle se lance, ont décidé de concourir, parce qu'en fait, les ateliers préparent à un concours d'écriture de scénarios de court-métrage, dont l'intitulé pourtant aurait pu rebuter, et d'ailleurs je pense a rebuté quand même certaines personnes, Poésie et portable. Voilà, c'est essayer de faire un lien entre deux éléments de la vie, un élément moderne et un élément intemporel, la poésie du numérique. Et donc on a organisé avec quelques membres de l'association Art, Culture et Équité plusieurs ateliers pour préparer, pour donner des éléments afin de pouvoir ordonner son imaginaire et de proposer pour le concours, leur production qu'elles vont faire en groupe. Alors Mélisse m'avait écrit en me disant on aimerait bien concourir, mais ça va peut-être pas être possible puisqu'on veut le faire en groupe. Donc ça, c'est très important aussi. Là, vous parliez tout à l'heure, madame, du lien social, du lien. Et en fait, c'est là où on voit la force aussi de votre association, même par rapport à l'imaginaire, proposé en groupe. Donc j'aurais dit que c'était tout à fait possible. Et d'ailleurs, c'est le cas aux États-Unis avec Plus belle la vie, etc. On écrit en pool d'auteurs maintenant. L'imaginaire est commun. C'est une mise en commun de l'imaginaire. Et je l'ai fait. Félicite parce que... Alors qu'est-ce que ça vous a inspiré, Poésie et portable ? Bien sûr que tout d'abord, ça choque un petit peu le titre, mais bon, elle a bien expliqué, et ces liens entre l'intemporel et puis quelque chose qui est moderne. Et puis ça nous va parfaitement. Après, nous on est une association où il y a une variété de cultures qui se mélangent, c'est ça notre richesse. On s'est lancé le défi de travailler ensemble et je pense qu'on va s'enrichir parce que dans le cadre des activités culturelles, pour nous, c'est une nouveauté, rentrer dans ce que la production d'un scénario. Et pour nous, c'est vraiment une aventure. Donc, je crois que ça va être très, très intéressant pour nous tous, toutes et tous. Et donc, vous êtes combien dans l'association à réaliser le projet ? Alors, dans l'association, nous sommes 35 ou 40 actuellement, mais le groupe, nous sommes 8 à peu près, tu crois. Et est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'association, Au fil des femmes ? Nous sommes une nouvelle association, tout récente, parce qu'on a même pas... Oui, on va avoir 2 ans au mois de mai. Et nous faisons énormément de choses. Et justement, vous parliez tout à l'heure... du lien social. Je pense que c'est surtout ça notre tout. Et on parle en Europe beaucoup d'individualisme, parce que nous venons tous, nous sommes à peu près tous des étrangers sur cette terre. C'est comme ça. C'est beau. Nous sommes des passages, au fait. On loue cette terre pour une petite période finalement. Hein, parce que si on arrive à 100 ans, hein, c'est déjà énorme. Et du coup, nous sommes tous des immigrés dans cette association. Et notre force, c'est ça. C'est le lien avec l'autre, donc la solidarité et le partage. Et voilà, c'est ça notre travail principal, de favoriser ces liens. Alors, c'est-à-dire concrètement ce que vous proposez comme action ? Alors, il y a différents, parce qu'il y a eu au niveau culturel donc des expositions. Et il y a eu les foulées de bassos. Il y a aussi des activités culturelles, aussi culinaires, au partage autour de la préparation des plats, bien sûr, des repas solidaires, le réveillon solidaire le 31 décembre ici. Oui, j'ai vu de belles photos sur votre page Facebook du réveillon. Il y a énormément de choses que nous avons fait. Je ne peux pas tous les énumérer parce que je ne les sais pas. Pour décrire chacune, mais bon, on a eu énormément de choses à Magélis, on a fait beaucoup aussi de choses au niveau de la bande dessinée. Et il y a un projet d'écriture aussi, autre que celui-ci. Il y a beaucoup de choses en réalité. Et Au fil des femmes, pourquoi le nom Au fil des femmes? Ben justement, c'est ce fil qui nous qui tisse les liens entre femmes, mais aussi des hommes, parce qu'on a des hommes dans notre association qui nous soutiennent et qui revendiquent les valeurs d'égalité entre hommes et femmes, des parités aussi. Et nous ne sommes pas contre les hommes, au contraire, nous sommes pour qu'ils soient avec nous, d'avancer ensemble, main dans la main. Par rapport à, vous parliez d'ateliers d'écriture, c'est ça? Oui. Il y a des restitutions, vous en a, je ne sais pas si ça a été dit. Il y a des restitutions de ça? Est-ce qu'il y a des choses publiques autour de ces écrits? Ou c'est des écrits qui restent entre vous dans l'atelier? Ben, comme on est, en fait, on vient de naître. On parlait de jeunesse dedans, mais on vient de naître il y a un an, en fait. Et on n'a pas encore organisé un retour, plus général, ou en tout cas auprès de divers publics. Par contre, pour cette première année, on a un partenariat avec le Festival du film court, qui a une dimension nationale et internationale à Angoulême. Et les dix premiers gagnants, voilà, c'est-à-dire que dix concurrents vont être sélectionnés par un jury de professionnels de la culture et du cinéma, et ils devront pitcher, faire un résumé, présenter leur projet auprès du jury à l'oral dans le cadre du Festival du film court. Donc il y aura une restitution publique à l'occasion de cet événement annuel du Festival du film court. C'est-à-dire qu'ils devront rendre compte. Oui, tout à fait. C'est le 12 avril. Alors le Festival du film court, lui, c'est sur plusieurs jours. 11, 12 et 13 avril. Les concurrents à l'espace Franquin, à partir de 15h, les dix premiers présenteront donc leur projet à l'oral. Donc c'est ouvert au public, qui en plus aura la possibilité de visionner les courts-métrages sélectionnés du festival du film court. Et les personnes, voilà, pourront présenter à l'oral le rendu de leur imaginaire écrit. Et c'est à partir de cet oral que le jury décidera des trois premiers prix. Et donc voilà, donc il y aura cette restitution là, mais l'année prochaine, enfin pour la prochaine édition, on va veiller à ce qui est très important, à rendre beaucoup plus audibles ces productions imaginaires des personnes, parce qu'il y a art culture, mais ça se termine par équité. Donc le but de l'association, il était à la fois lié à ma trajectoire d'intervenante, d'enseignante et d'auteur, à savoir promouvoir avec nos petits moyens, dans la mesure du possible, parce qu'on a des partenaires quand même, il y a Magélis, il y a le CIBDI, il y a le Grand Angoulême, voilà, on est quand même suivi, même si on vient de naître. Mais aussi, il y a une inégalité très profonde et d'autant plus aussi par rapport aux femmes, parce qu'elles sont peu représentées dans le monde, enfin peu de plus en plus, mais dans le monde de l'écriture. Mais une des profondes inégalités, à mon avis, c'est l'inégalité par rapport au rêve. C'est-à-dire que la capacité de rêve, elle est tellement tributaire des conditions sociales, psychologiques, etc. Et la capacité de rêve, c'est ce qui nous permet de résister, d'affronter, parce que dans la réalité, il y a des choses, mais le réel, il est rude. Donc si on lui apporte pas une puissance personnelle, et en fait, voilà, à travers ces quelques ateliers et ce défi qui est le concours, et puis de promouvoir son imaginaire, qu'on gagne ou pas, c'est un défi. Voilà, c'était de rendre un petit peu aux populations qui sont mises à l'écart de cet acte qui reste élitiste, parce que la littérature, elle est bourgeoise, le cinéma, il est bourgeois, dans sa grande majorité, ça ne change pas. Donc voilà, l'équité, bon, c'est aussi lié à ma trajectoire sociale. Voilà, donc il y a à la fois une volonté de rendre... vous me dites si je suis trop longue, parce que... Non, ça va, allez-y. Ouais, d'accord, je fais vite. Il y a à la fois un constat... c'est-à-dire professionnel, parce que j'interviens aussi à l'MK, j'interviens à Paris, à la FEMIS. Donc, à la fois en tant qu'intervenante, pour permettre aux étudiants qui le voudraient de déployer un peu plus la dramaturgie, parce que c'est beaucoup plus l'image, c'est pas pour rien que ça s'appelle le pôle image. Voilà, c'est-à-dire écrire. Qu'est-ce qu'écrire en général et qu'est-ce qu'écrire particulièrement pour l'image, et le partager, et tenter de le partager le plus possible, d'où le fait que j'ai délocalisé les ateliers qui se situent au CIBDI, normalement, parce que c'est notre premier partenaire, notre siège social est là-bas, à la Grand Fonds, parce que c'est un quartier très particulier, moi, je trouve. Il est très vivant, très vivant. Christophe Montero, le directeur du CAS, reste quelqu'un d'exceptionnel pour avoir rencontré d'autres directeurs. Et donc, pour moi, je suis très contente de faire cet atelier ici aujourd'hui, et puis en plus par rapport aux défis, parce que vous rendez des places à la femme, des places par les foulées, les repas solidaires, elles sont sur de multiples terrains, et aujourd'hui elles vont être sur le terrain de l'imaginaire et de l'écriture. Voilà. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, je vais rebondir sur ce que vous dites, le fait que en fait vous allez faire un atelier ici au CAGE, parce qu'on parlait tout à l'heure avec Nathalie et qui peut-être me parlait de qui proposait de raconter un peu la vie sociale, où est-ce qu'on se retrouve ici, et que c'est très localisé au CAGE en fait, qu'il n'y a pas tant d'instances de rencontres et de partage. Si on revient un petit peu en arrière, le contexte du quartier s'est dégradé. Donc 2002, quand je suis arrivée, il y a un médecin, c'est hyper important, il y a un pharmacien, il y a des commerçants à côté. Et donc le fait qu'il y ait du mouvement dans la cité, je voulais revenir sur la géographie de ce quartier Bel Air Grandfonds. Bon, c'est le plus beau quartier d'Angoulême, faut quand même pas oublier de le dire. C'est un quartier où il y a du dénivelé. C'est un quartier qui est extrêmement bien planté. Donc il y a toute une histoire au niveau aussi botanique, etc. Si on va dans les jardins, des petites maisons en bas, il y a toute la végétation qui est en train de revenir, par exemple. Il y avait des sous-bois ici avant. Donc il y a un dénivelé. Alors ce dénivelé, au niveau social, justement, il est important. C'est plusieurs collines. Donc pour les gens qui connaissent pas Bel Air, tout le monde sait où est le lycée Marguerite de Valois, la cité scolaire. Puis en bas, c'est la gare, en gros. Hein. Puis d'un côté, il y a Victor Hugo, puis l'autre côté, il y a de la Madeleine. Et ce dénivelé, il est super important parce que donc je reviens en 2002 où il y a un médecin, un pharmacien, etc., etc. Et on a deux écoles maternelles, une en haut, une en bas, deux écoles primaires, collège ensuite. Et puis il y a aussi Jules Michelet en bas parce que avec le découpement géographique, certains de nos jeunes ils vont sur le collège qui est en bas. Donc ça c'est hyper important parce que c'est ce qui crée des mouvements, des déplacements dans la cité, et c'est ce qui fait que les gens peuvent se rencontrer. Donc tout à l'heure vous parliez de votre surprise d'avoir rencontré des moments samedi dimanche hein, où c'est un petit peu tristoun ici. Donc je vais revenir moi sur la semaine, ce qui est formidable, c'est 16h, entre 16h et 16h30, parce que on a une grande sœur ou une maman qui va aller chercher le petit à la maternelle en bas, qui va remonter à la primaire, qui va peut-être passer ici, si c'est vendredi il y a l'épicerie sociale, et c'est tous ces mouvements là qui vont faire que les gens vont se parler. Et pour les nouveaux arrivants, et puis là je parle des nouveaux arrivants où c'est compliqué, quand tu disais qu'on connaît pas les lieux, quand on connaît mal la langue française, c'est super difficile de se repérer. Et c'est pour ça que avant les enfants, par exemple, ils disaient, quand ils parlaient de centre de loisirs, ils disaient le centre. Et puis alors, il y a un jour, des techniciens qui ont décidé qu'on disait plus centre de loisirs, on dit ALSH. Il faut bien le vouloir. Donc, c'est vrai. Accueil, excusez-moi, ça me fait poiler. Accueil loisirs sans hébergement. Vous voyez, accueil de loisirs sans hébergement pour une maman qui arrive de l'étranger, c'est super top. Hein, ouais, centre de loisirs. Et ben là, apparemment, on peut redire centre de loisirs. Et tout le monde disait, t'es perdu, tu sais pas où aller, t'as besoin d'un renseignement, va au centre. Et le centre, c'était ici, le centre social ou la maison de l'enfance, et on avait un troisième lieu qui était à Raoul Boucheron. Donc si vous imaginez là, imaginez des collines là, avec plein d'arbres, plein de petits chemins. Vous êtes en voiture, vous pouvez pas comprendre Bel Air, la Grandfonds, faut le faire à pied. Et puis vous avez donc les maternelles, comme je disais, les primaires, et puis trois lieux d'accueil au niveau social et culturel. Trois lieux d'accueil, c'est quand même énorme. Et ces déplacements, c'est super sympa. Là, à 16h, vous allez voir, il y a du monde partout en semaine. C'est ça qui est vraiment super sympa à Bel Air. Le médecin est parti, les commerçants sont partis, le pharmacien est parti, la cité est un petit peu laissée à l'abandon. Et c'est hyper important. Tout à l'heure, vous avez parlé de délocaliser, de venir à Bel Air. Le quartier, il souffre d'une mauvaise image de l'extérieur. On ne vient pas à la Grandfonds, c'est un endroit dangereux, la Grandfonds. Alors je vais en parler de pourquoi ça serait dangereux, la Grandfonds, tout à l'heure. Donc on vient pas à la Grandfonds, puis il y a plus vraiment de raison de venir, hein, parce que quand il y a plus rien, qu'est-ce qui reste en ce moment? Le centre social d'ouvert et la salle de sport qui est en haut, et après pour faire ses courses faut aller à Leclerc. Donc moi, ce que je conseille à tous les politiques, hein, quand on fait de la politique, venez passer une semaine dans les quartiers périphériques. Où est-ce que vous allez aller prendre votre café le matin? Où est-ce que vous allez acheter votre baguette de pain? Il n'y a plus rien. Ça, c'est super important, ça. On l'a observé. Venez à la Caradoc, les politiques, venez. Donc, tout à l'heure, tu disais, c'était Florent, je crois, qui disait, il fait froid, les gens sortent pas. Mais où est-ce qu'ils iraient? Déjà, faut commencer comme ça. Donc, il y a aussi le petit bar qui est ouvert derrière, il y a le foyer jeune travailleur qui est là. Mais voilà, il manque des lieux attractifs et des occasions de se rencontrer. Ben là, il va y avoir un atelier. Là, les gens, ils vont venir parce qu'il y a l'atelier. Donc, il faut qu'il y ait de la proposition pour que ça fonctionne aussi. Qu'est-ce qui est beau après, dans tout ce dénivelé, c'est que, comme tu disais, les gens, ils créent leur propre parcours. Et ça, c'est super intéressant. Donc, si déjà, on pouvait nous conserver cette beauté-là et ces parcours et ne pas nous les démolir, ça serait un super bon point, déjà. Ça me fait penser à l'affiche qui a été faite par des enfants ici. Sur cette affiche, en fait, il y a des échelles partout. Et ça représente bien, je trouve, le quartier, parce qu'il y a vraiment, effectivement, comme tu dis, des passages à faire vraiment partout pour faire des raccourcis, pour à la fois, bah, on peut monter en zigzag pour pas avoir la pente, mais si on veut quand même affronter cette pente énorme, on peut faire des raccourcis partout, c'est marrant. Et dans la représentation qu'en ont fait les enfants du quartier, parce qu'il y a eu une affiche qui a été faite avec... C'était un stage. Oui, on a travaillé... On a travaillé une semaine avec les enfants du quartier. Donc, chaque matin, il y avait deux dessinateurs. Donc, c'était Morgane Parisi et Laurent Bourleau. Chaque matin, c'était les gamins qui prenaient les deux professionnels et qui leur faisaient découvrir un de leurs parcours. Donc, deux enfants, chaque matin, faisaient le parcours de telle école à tel bâtiment. Et le lendemain, c'était d'autres enfants. Ce qui fait que les deux auteurs, là, c'est les enfants qui leur ont fait découvrir le quartier. C'était un truc extraordinaire. On a passé une semaine de fou. C'est extraordinaire. Est-ce qu'on passe aux choses qui sont dans le quartier avec des interviews, avec les sons de Marie? Ça vous va? On met un petit jingle et puis après on passe aux activités et puis on revient. Comme ça, on pourra revenir. On pourra reparler de toutes les activités qui se font ici à partir des gens. Ah, mais moi, Marie. C'était une interview qu'on a faite avec Hugo. On était dans le cage en fait avec Sandrine. Oui. Et on parle du coup des activités. Enfin, elle explique les activités qu'il y a et. Là, c'est vraiment un PAD pour cette place des femmes. Justement, elle parle des activités qui sont très féminines. Je te laisse passer. Mais d'abord, jingle. Yeah. C'est la grande fonte. C'est nous. La grande fonte, c'est toi. Entre 13 et 14 heures, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Toc, toc, toc. Caradoc. Alors, je m'appelle Sandrine Charrier, donc je suis responsable du secteur vie sociale et familiale. Toutes les activités, en fait, adultes, c'est nous qui les gérons. Ok, donc voilà. C'est votre secteur, c'est les activités adultes. C'est mon secteur, ouais. Et tout à l'heure, je disais qu'on était quatre. Donc j'ai deux autres collègues qui sont sur l'épicerie sociale et sur tout ce qui est atelier de lien social. Donc toutes les activités support, ça va être la cuisine, ça va être le jardin, ça va être l'atelier tisson des liens, en fait, qui est un atelier de travaux d'aiguilles. Ça aussi, ça fonctionne super bien sur le quartier. Il y a beaucoup de demandes par rapport à la couture. Et le vêtement, en fait, c'est l'occasion de parler des traditions de chacun, puisqu'il y a plein de cultures sur le quartier. Donc sur cet atelier couture, entre guillemets, ou travaux d'aiguille, sur Tisson des Liens, on accueille jusqu'à 15 nationalités différentes. Voilà, la seule langue commune, c'est le français. Et du coup, vous partagez des... Et du coup, en fait, souvent, alors c'est principalement des femmes qui participent quand elles préparent un vêtement. Quand elles font un vêtement, souvent, c'est pour une occasion particulière ou une fête. Et du coup, elles expliquent pourquoi est fait ce vêtement et ça permet de parler des traditions de chacun. Voilà. Donc ça permet de mieux se connaître. Il me semble que c'est un peu pareil aussi pour la cuisine. Il n'y a pas quelque chose comme ça où ils partagent des recettes, c'est pas... Oui, c'est ça. C'est ça. En fait, on apprend à faire des recettes de pays différents. Voilà, et puis on travaille aussi l'équilibre alimentaire. Parce que souvent, la migration, ça perturbe l'équilibre alimentaire. Et ça aussi, c'est très féminin ? Il y a des hommes qui participent à cet atelier. Alors, au centre social, on accueille principalement des femmes, c'est comme ça, mais c'est en train d'évoluer. En fait, sur l'atelier cuisine, on a des messieurs là qui arrivent, pas mal. Voilà. Donc les choses évoluent. On a aussi depuis 4 ans maintenant, on a un animateur sur le secteur. Avant, il n'y avait que des femmes. Et ça aussi, ça favorise la venue des messieurs. Donc, on invite les messieurs à venir tisser des liens et des vêtements avec les femmes, ainsi que de faire quelques recettes et de les partager. Donc, après, elle nous a parlé aussi, Sandrine, d'une troupe de théâtre qui avait été constituée par 10 femmes et qui avait donc réalisé un spectacle. Au théâtre d'Angoulême, oui, tout à fait. Du coup, on va l'écouter parler un peu de ce spectacle. Et puis, du coup, j'ai eu la chance d'avoir le fichier filmé de ce spectacle et j'ai monté un petit extrait sonore, du coup, de 5 minutes. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant de réagir par rapport à ça. Donc, voilà, tu peux l'envoyer, Flo. Donc, un spectacle sur la thématique de l'égalité des sexes, donc avec le centre social de ma campagne et le centre social FLEP de Soyaux. Voilà, il y avait 10 femmes, dont 6 du quartier. Elles ont travaillé pendant un an, voilà, avec Madeleine Guével pour la mise en scène. Elles ont écrit les textes aussi, avec Francie Bretounou. Voilà, donc, elles ont travaillé pendant un an et ça a donné un spectacle le 11 janvier qui a eu lieu au théâtre, au studio Bagoué. D'accord. Voilà. Et ça a bien marché, il y a eu du monde. On a fait ça le comble. Ah, c'est beau. Il n'y a eu qu'une représentation ? Ouais, il n'y a eu qu'une représentation. C'était la première. Et normalement, il y en aura une prochaine le 8 mars au centre social de la Couronne. Voilà. Ok. Et donc, on va faire un petit peu le tour des centres sociaux. Il y en aura une ici, une à ma campagne, une à Soyaux, mais on n'a pas fixé la date encore. Et c'était exclusivement des femmes, une troupe, oui. Une troupe féminine ? Ouais, 10 femmes, pas un seul homme. Voilà. Avec un jeu de mots sur. 10 femmes, le verbe dire et le nombre. Okay. Voilà. Mais c'était. Ouais, c'était très, très, très émouvant. Donc certaines ont. Voilà, c'est des histoires de vie hein, aussi. Et ça raconte. En fait, c'est une suite de scénettes qui peut raconter ce à quoi les femmes peuvent être exposées. Donc ça peut être l'éducation des filles et des garçons avec les filles qui vont être éduquées à faire la vaisselle, le ménage, et les garçons qui ont plus de permission pour sortir. Ça peut être des violences conjugales ou les violences ordinaires faites aux femmes. Ça peut être, voilà, il y a une dame qui a exercé le métier de plombière, donc elle en parle et elle parle des difficultés auxquelles elle s'est heurtée, notamment son patron qui pensait qu'elle serait pas forcément capable d'aller creuser les tranchées avec les autres ouvriers comme elle le raconte dans le spectacle. Voilà, mais c'est à voir. Rendez-vous le 8 mars au centre social de la Couronne avec à 19h, je pense. Avec plaisir. Voilà. D'accord. Bonsoir et bienvenue mesdames et messieurs. Merci pour votre présence à la représentation du spectacle 10 femmes de la troupe Toujours là. Vous allez assister à une lecture théâtralisée de textes écrits par les comédiennes. Certains textes seront lus, au cours de cette représentation. Allez, venez, mesdames, descendre dans la rue. On attaque nos droits, on ne se taira plus. Criez plus fort, mesdames, reprenez notre chant. C'est pour l'égalité, les combats impartiels ont mieux ça, mesdames. Ils veulent nous ignorer, on va se mobiliser jusqu'à l'égalité. Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Moi, j'ai pas envie de rentrer chez moi. Mon père me saoule. Toujours la même chanson. Va chercher tes frères et sœurs à l'école, passe la spi, fais le repassage, lui apporter ses cigarettes, et surtout une bouteille parce que la sienne est vide. T'es dans le même cas que moi. Être invisible. être invisible, mais toujours être là. 5h30, debout, préparer le petit déjeuner. 6h45, aller à vélo pour marcher. 7h30, préparer les enfants à l'école, lui faire déjeuner, révision des leçons. Monsieur d'or, 8h, partir à l'école avec les enfants, puis aller à l'usine. 13h15, retour à la maison, préparer le dîner, monsieur déjeune, et va chercher les enfants à 17h. 18h, pédaler pendant 4 km pour aller faire les lignes. 20h, retour à la maison. S'occuper des enfants, leur faire prendre le bain, les révisions des leçons, les faire manger, les coucher, puis préparer leurs vêtements pour le lendemain. 21h, couture. Allez, entre 1h ou 2h du matin, pour faire des retouches pour un grand magasin, pour arrondir les fins de mois. Voilà la vie d'âme que j'ai menée pendant tant d'années. Mais comment as-tu fait pour tenir le coup? J'ai pas tenu. Non. J'ai pas tenu. Une dépression? Pendant plusieurs années? Un divorce? Et les enfants ont grandi? Ils sont partis. Mais quand ils sont partis, j'ai fait une remise à niveau. Et j'ai travaillé pendant 27 ans comme vendeuse dans un grand magasin. Ouais. Bravo. Bravo. Et ben bravo, Yann. On reprend, on reprend le direct avec. Ensuite, on va, on a une interview de des femmes qui font cette pièce de théâtre, des femmes de l'épicerie sociale que tu as rencontrées, Céline. Ouais. Donc Ama et Marie-Claude, donc que j'ai rencontrées à l'épicerie sociale, voilà, et qui ont donc participé à faire l'élaboration de ce spectacle. Et qui explique un petit peu comment elles ont procédé. Donc on les écoute maintenant. Le théâtre qu'on a joué, c'est... Un petit peu de notre vie, voilà. Mais chacun, on a pris, nous, de ce que nous disions, c'était la vie d'une autre personne. Voilà. C'est-à-dire que vous avez... On a écrit. Oui. On a écrit, voilà. Et puis on a Francis et Madeleine qui nous a aidés. Et puis, on a raconté nos vies. Bon, la vie, voilà. On a joué la vie de chacun. De chacun. Donc, c'est... Pardon, excusez-moi. Oui. Voilà. C'est une histoire vraie. Oui. Donc, voilà. Que d'autres femmes, elles ont vécu ça. Bon, on a vécu ça. Et puis, voilà. Bon. D'accord. Mais personne n'a raconté son histoire. Oui. Moi, je n'ai pas raconté la mienne. C'est quelqu'un qui l'a raconté. Voilà. Vice-versa. Vous avez raconté l'histoire de quelqu'un d'autre. Moi, j'avais raconté une histoire. Une histoire que... Bon, une femme qui se fait maltraiter par son mari. Et puis, elle ne peut même pas dire bonjour aux voisins, ni bonjour à l'été. Elle ne peut même pas parler. Si elle est avec son mari, elle ne peut même pas parler. Elle ne peut rien faire. Donc un jour, et puis sa voisine, on l'a conseillé qu'elle ne peut pas commencer, c'est en gros quoi, qu'elle ne peut pas continuer à souffrir comme ça. Donc un jour, cette femme a dit stop, Et puis, elle a écouté le conseil de sa voisine et puis un jour, elle est partie. Et sa voisine, elle ne sait même pas où aller. Et sa voisine l'a hébergée pour quelques temps pour qu'elle s'en sorte. Donc, et puis, elle sait s'en sortir après quoi. Ça parle aussi de solidarité en fait. Oui, solidarité. Quand on dit non. Ça parle de solidarité. Et puis la voisine, sa copine l'a dit. Bon, elle aussi, elle a vécu comme ça. Donc elle sait ce que c'est. Donc. Et puis sa copine l'a dit, bon, viens, je vais t'héberger pour quelque temps, pour que tu trouves une solution, quoi. Ouais. Et il faut qu'on dise stop, il faut que... Voilà. Il ne faut ne pas, plus il... tout accepter. Oui, donc il ne faut pas qu'on dise toujours oui, oui, oui. Voilà. Et puis on se bat pour nos enfants, les petits-enfants, voilà. Donc... on sort, comme on sort dans un coquillage, quoi. Donc, ça nous a servi. Bon, ça nous a apporté beaucoup. Oui, on se sent plus fort. Et puis... Parce qu'on a vu qu'on était capable de faire ça, oui. Vraiment, voilà. Donc, c'est la première fois qu'on monte au théâtre, grand public. Bon, sinon, on avait joué dans une maison de retraite. Donc, voilà. Bon, là, ça nous a donné la force d'avancer et on va continuer. Les femmes qui ont vu ça, j'espère qu'elles vont comprendre. Elles comprendront. Elles comprendront. Wow. Ouais. Ça nous a beaucoup aidé. Ouais. Moi, ça m'a beaucoup aidé. Puis ça fait du bien de parler un peu. D'avancer, de m'exprimer, de savoir ce que je veux maintenant et puis de ne pas laisser, comme il dit, non, tu es détruit, tu ne connais rien ou tu ne peux pas avancer. Donc, ça m'a beaucoup aidé. Oh, regardez, c'est son dernier cadeau. Tu voulais dire voilà. Je voulais juste dire qu'en fait, je les ai rencontrés à l'épicerie sociale, que toutes les deux sont bénévoles. Et voilà, il y en a une qui habite, enfin, Ama, donc qui habite dans le quartier depuis 8 ans, et Marie-Claude, qui, elle, habite depuis presque 50 ans dans le quartier. Voilà. On enchaîne sur une musique de The Slits et après on reprend avec nos invités. C'est parti. Your plans to make me blue. will you be my baby? Will you be my baby? Da-da-da-da. I heard it with the grapevine. Now much longer. Will you be my baby? Da-da-da-da. I heard it with the grapevine. Much longer. Will you be my baby? Ouais, donc alors on est toujours à la Caradoc excentrée juste à côté dans le cage et on est ravis en fait parce que là autour de moi, on a une nouvelle venue qui fait partie de l'association Au fil des femmes, c'est ça, qui vient d'arriver. Et ce qui est super, c'est que ben, tout ce qu'on vient d'écouter, en fait, ça ouvre le débat entre nos invités. Donc, et sur plein de sujets, je pense qu'elles sont dans le sujet, en fait, hein, complètement. Le sujet de notre émission, les femmes, le tissu associatif du quartier et comment peut-être tout ça peut naviguer. Et, on peut naviguer entre tout ça. Tout à l'heure, voilà, il y a plein de sujets qui ont été abordés. Peut-être que je vais vous laisser en parler entre vous. Je vais vous donner les micros à toutes. Je peux repartir de l'adolescence, peut-être. Oui. Ce que je disais sur à quel point les filles étaient... Ah oui, peut-être une petite présentation de notre nouvelle venue. L'exemplarité des filles, peut-être. De présenter. Oui. Bonjour, je m'appelle Jeanne. Bonjour. Je suis membre au fil des femmes. Et donc, je représente un peu l'association. D'accord. Et là, peut-être vous pouvez rappeler qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui, par exemple? Je crois que c'est pour la poésie. Pour poésie et portable. Mm-hmm. Ah, présentation. D'accord. Oui, justement, on parlait avec Fatia tout à l'heure. Et dans l'association, nous sommes tous, comme j'ai dit tout à l'heure, des immigrés, ici sur Terre. Et vous habitez le quartier, par exemple, pour la plupart, ou pas du tout? C'est l'association qui est rattachée au CAGE ou... Si. C'est l'association qui est rattachée au CAGE. On est domicilié au CAGE. Vous êtes domicilié au CAGE? Oui. Et au siège social du CAGE? Oui. Le siège social au CAGE. Excusez-moi, mais oui. Non, mais je sais, en plus, je suis un peu perdue, là, je suis dans 10 000 choses, mais allez-y, vous en parlerez mieux que moi. Oui, donc, mais nous sommes ravis d'être accueillis ici, et en fait, c'est la métaphore de tous qu'on arrive de l'étranger, le regard qu'on porte donc sur la France et sur l'Europe en général, parce qu'on parle d'individualisation, des manques de solidarité. On se rend compte qu'elle existe, mais une chose qui frappe de notre arrivée, c'est donc ces liens sociaux qui, on ne sait pas pourquoi ni comment, paraît-il, se serait perdu. Pourquoi la société est devenue société de consommation, de l'individu, de repli sur soi et de l'individualisation? Individualisation, c'est ça. Donc, qu'est-ce s'est-il passé? Quel était le chemin pour arriver à ça? Parce que dans nos pays, en voie de développement, on est gardé toujours par le voisin. Et c'est un trait, c'est du cadre de la survie. Donc, c'est une nécessité. Oui. Et de ces faits, dans les quartiers, on se connaît, comme vous parliez tout à l'heure. Et ça s'est perdu chez nous. Qu'est-ce s'est-il passé pour arriver là? C'était la question. Oui, donc là, on reconnaît dans ce que tu dis quelque chose qui a existé, quelque chose qu'on a perdu. Je parlais tout à l'heure de plus en plus de femmes qui travaillent, donc les enfants sont plus gardés. Donc déjà, ça change quelque chose au niveau du rythme de vie dans la cité. Ensuite, je parlais du turnover. Tu parlais de confiance. Voilà, j'ai plein de copains qui ont grandi donc à Mayotte. Ils m'expliquent les portes sont ouvertes et tout le monde surveille tout le monde. Mais ça, c'est parce qu'il y a une confiance et qu'on fait partie déjà d'un groupe. Et du coup, coup, quand dans une cité, des familles arrivent et repartent, c'est compliqué d'avoir ce lien et ce lien de confiance quand ça bouge beaucoup. Aussi, si je revois mon enfance, on avait dans un quartier toute une ou deux ou trois générations qui avaient grandi. Là, pour des raisons économiques et de travail, on a des familles où on va aller travailler à l'autre bout de la France et aller à Paris et revenir et aller dans une autre métropole et revenir. Donc je pense que le fait que tout ce contexte économique joue sur le social forcément avec tous ces mouvements de cette obligation de, par exemple, quitter ton lieu pour aller travailler ailleurs. Est-ce que tous ces liens, au fait, n'étaient pas à la base et construits justement par les femmes? C'est elle à la base qui construisait ces liens pour garder les enfants, pour s'occuper du quartier? Oui, dans notre société, oui, c'est évident. Voilà. Oui, c'est évident. Ensuite, dans le, on a parlé tout à l'heure des jeunes enfants et je voulais parler de l'adolescence. J'ai toujours été frappée ici à Bel Air de voir à quel point les jeunes filles sont débrouillardes, sont autonomes, comment elles se déplacent, comment les études peuvent être compliquées, mais elles raccrochent un bac pro. Elles vont revenir aux cages pour trouver un stage professionnel, parce que ça c'est difficile en Charente en ce moment pour tous les jeunes qui cherchent leur stage pour faire les études en alternance. Nous, on retrouve des jeunes filles qu'on a connues toutes petites qui reviennent à faire un stage en compta, en secrétariat ou en animation. Donc il y a quelque chose de très méritant, je trouve, sur les filles des quartiers. Pour les garçons, il y a une plus grande difficulté à bouger du quartier, à essayer de chercher quelque chose ailleurs. Il y a une espèce d'attachement au quartier mais qui du coup joue un peu contre eux et les bloque un petit peu. Alors on dit ils font le mur, ils font pas tant que ça le mur, c'est toujours une petite minorité, mais cette difficulté. Et alors je pense à cet éclatement de la famille et à aller travailler ailleurs. Moi, quand j'étais petite, un garçon qui était un peu en galère ou qui commençait à déconner un petit peu, il y avait le tonton ou le grand-père qui allait dire « tu vas venir bosser dans mon entreprise ou tu vas aller en apprentissage ». Le fait que notre société s'est un peu délitée à ce niveau-là, ici, il n'y a pas d'artisans, ici, à Bel Air Grand Fonds, et que les familles sont éclatées, il n'y a pas ce qu'on avait pu trouver, moi, quand j'étais jeune, d'un référent familial qui allait tirer vers le monde du travail et qu'elle essayait d'amener vers l'activité. Par rapport à ce que vous disiez là tout à l'heure, est-ce que j'ai bien compris, vous disiez que vous questionniez dans l'association sur justement cette organisation qu'il peut y avoir ici. Est-ce que j'ai bien compris la question que vous posez, ce que vous exprimiez tout à l'heure? Qu'est-ce qui se passe, nous qui venons d'ailleurs, où il y a une solidarité entre... une solidarité au niveau de l'éducation, des enfants, etc. Et c'est quelque chose que vous n'observez pas ici, c'est ça? J'ai bien compris. Oui, on parle de l'Europe et c'est de repli sur soi. Oui. Comme si tout le monde avait peur. Je disais tout à l'heure, ma fille, elle a juste 18 ans et elle est à l'université, elle fait ses études. Une de ses peurs, c'est le chômage. Quand on faisait ses études, il y avait hors de question de penser déjà à être au chômage. Donc cette peur, cette angoisse de l'avenir. Et puis, le côté social, le tissage social, pourquoi est-ce que c'est la société de consommation qui nous a amené à ces replis sur soi, donc qui a coupé ces liens entre voisins, entre personnes du quartier, je ne sais pas. C'est la question qu'on se pose parce que nous sommes, comme je dis tous, des immigrés qui arrivent dans cette association à en faire partie. Moi, je voulais revenir rapidement sur une chose que vous avez dite. Et puis après, enfin, c'est une question parce que j'ai pas tellement la réponse, mais il y a peut-être un lien, une corrélation qui a été faite entre le super développement économique et des sociétés et donc une possibilité d'avoir accès à la consommation, donc une individualisation, enfin voilà, l'individualisme, etc. Mais j'ai l'impression qu'en France, l'État qui prend en charge des solidarités, de soins, voilà. C'est-à-dire que l'État et le réseau associatif prend en charge des solidarités qui existent beaucoup moins peut-être dans des pays dits moins développés, ce qui fait que... Alors, il y a aussi une question culturelle, historique, hein, je pense que c'est très complexe, mais en France, je trouve le côté paradoxal, c'est que l'État et différentes structures prennent en charge des solidarités qui n'existent pas ailleurs, hein, toutes celles qui sont évidentes, et qu'effectivement, dans d'autres pays où l'État est beaucoup moins présent... c'est la population, c'est les interrelations, voilà, qui prennent. C'est une hypothèse, enfin, c'est pas du tout une affirmation. Hein. C'est possible, oui. C'est un besoin de survie. Voilà, donc, oui. Et par contre, par rapport aux garçons, c'est-à-dire que quand vous avez dit tout à l'heure que les garçons étaient beaucoup plus attachés au quartier, etc. moi, je vous renvoie à celles qui peuvent, à ceux qui peuvent, à une étude sociologique de deux sociologues. Ça parle du garçon arabe, mais c'est lié, je pense, à l'homme immigré. Et ça s'appelle, alors c'est la sociologue, c'est Nassera Guenif, et elle l'a écrit avec Éric Massé. Ça s'appelle La France et le garçon arabe. Voilà, c'est une étude sociologique très poussée, très ramifiée. Et en fait, moi, je crois que, paradoxalement, hein, il est beaucoup plus difficile d'être un homme immigré en France que pour nous, les femmes. Évident, parce que, paradoxalement, c'est un sexisme inversé. Les femmes sont moins dangereuses, il y a plus de condescendance, il y a plus... Puis il y a tous ces rapports de séduction. Enfin, voilà, c'est-à-dire qu'il y a une place... Pour nous, c'est plus facile que pour les garçons issus de l'immigration, c'est évident. Et le garçon arabe, il a beaucoup plus de mal à s'extraire d'un milieu, à trouver sa place. La discrimination est épouvantable. Les garçons d'origine qui tentent de trouver un stage, c'est redoutablement difficile. Donc c'est-à-dire que beaucoup plus qu'un trait psychologique ou qu'une façon peut-être culturelle d'avoir été éduqué des garçons, c'est beaucoup plus difficile pour eux. Voilà. Et d'où l'enracinement beaucoup plus, parce qu'ils sont entre eux, ils se préservent, ils sont protégés, et l'extérieur pour eux c'est quoi? Le rejet, les préjugés, en général bien sûr, hein, là je dresse un tableau très, mais ils le, nous déjà en tant que, en tant qu'autre, tu parlais de l'étranger, c'est-à-dire l'altérité, l'autre, que l'on porte sur, comme le philosophe Lévinas le disait, le visage. Nous, on porte notre différence physiquement. Et donc, c'était par rapport à... Il explique comme ça, les garçons. Oui, mais ils le vivent... C'est violent pour eux. Merci beaucoup. Alors, je vois que quelqu'un vient de s'asseoir. Une nouvelle personne vient d'arriver parmi nous. Alors, j'imagine, à ce que j'observe, que vous faites peut-être partie de l'association Au fil des femmes. Oui. Oui, je suis Fred Martial Boutindjimbimba, membre du conseil d'administration de l'association Fil des Femmes et accessoirement chargé des questions culturelles et sanitaires au sein de l'association. Voilà. D'accord. Et est-ce que vous avez peut-être... vous voulez réagir par rapport à ce qui vient d'être dit ou... Est-ce que vous avez entendu déjà? J'ai entendu, mais... J'ai pas tout à fait bien à quel moment vous étiez arrivé. Comme on dit chez moi au Congo, il n'est pas toujours bien d'attraper le serpent au milieu. Excusez-moi, j'ai pas entendu. Il n'est pas bon d'attraper le serpent au milieu. Voilà, donc c'est une façon de... Pourquoi? C'est une façon de dire que lorsque tu ne connais pas tout à fait les tenants et les aboutissants d'une chose, tant mieux peut-être se taire ou bien être prudent, donc. Mais sinon, j'ai entendu dire qu'on parlait de discrimination, de xénophobie, de la difficulté notamment pour les jeunes migrants maghrébins ou d'origine arabe de s'intégrer. Et je dirais que, c'est valable aussi pour leur pendant négro-africain. Voilà, donc c'est pas toujours évident. Hein, donc quand on est black, homme, migrant, c'est pas toujours facile en fait. Et c'est vrai que après moi je n'ai pas lu aucune étude là-dessus, donc je ne pourrais pas, comme on dit, avancer des choses comme ça, mais c'est vrai qu'on le constate. Parfois pour les femmes, il est plus facile de s'intégrer. Hein, rien que par le fait, par exemple, et d'ailleurs beaucoup de femmes finalement, prenons le cas de la maternité, beaucoup de femmes migrantes, notamment d'origine subsaharienne, acceptent parfois d'assumer une maternité, non pas parce qu'elles voulaient vraiment à ce moment-là d'un enfant, mais parce que finalement elles se rendent compte que le fait d'avoir un enfant lorsqu'on est sans papier peut faciliter bien des choses. Et c'est donc pas forcément, comme on dirait, un enfant de l'amour, un enfant désiré. Et donc, parfois aussi derrière, il y a des drames. Il y a des papiers, mais derrière, il y a des drames. Parce que vous avez une personne qui a fait un enfant. D'ailleurs, il y a même des termes dans certains milieux africains. Hein, on les appelle carrément des enfants papiers. Donc, vous voyez bien que la connotation, ce que tout cela peut impliquer derrière. Donc, D'accord. Et donc, de ce point de vue, effectivement, l'homme, lui, le problème, c'est lequel? La seule solution éventuelle serait, effectivement, d'avoir un enfant avec une femme autochtone, donc française, par exemple. Mais sauf que l'homme, lui, ne peut pas tomber enceinte. Et donc, du coup, cette solution-là pour lui, par exemple, d'avoir un enfant, elle est totalement exclue. Et il n'est pas toujours évident, quand on débarque, de trouver une femme qui accepte de porter votre enfant comme ça, quoi. Et c'est compliqué, voilà. Mais après, je ne pense peut-être pas... Il y a certainement des spécificités liées au genre, mais après, l'intégration, quand on est migrant, je pense qu'aussi bien pour les femmes que pour les hommes, elle a peut-être ses particularités, mais elle est difficile pour tous les deux. Voilà. Et j'aurais juste une petite question, vous, à un niveau peut-être plus personnel. Comment vous êtes arrivé dans cette association? C'est vous qui avez fait la démarche vers l'association? On est venu vous chercher? Vous aviez des questions? Non, on n'est pas venu me chercher. Simplement, au fil des femmes, en fait, au fil des femmes, on est une bande de militants, voilà, quoi, qui se connaissent pour certains de longue date. Moi, par exemple, Maëlys et Michel Bouscaré, qui est donc notre trésorier, nous nous connûmes à l'association AIDE, voilà, quoi. D'accord. Qui est la plus grande association de lutte contre le VIH/SIDA, les hépatites et IST en France et même en Europe. Voilà. Mm-hmm. Donc on a été militants, Maëlys, je crois, pendant plus de près de 15 ans, tout comme Michel. Moi, je suis depuis 2010. Donc, eux, à un moment donné, je pense qu'elles ont fait, ils ont fait le tour, hein, voilà, quoi, au bout d'un certain moment, et ont pensé qu'il fallait peut-être aller voir vers d'autres horizons, voilà. Moi, je suis encore resté là-bas, et voilà. Et donc, on était déjà des militants de cette cause-là avant, et d'accord. Finalement, Maëlys est très, très, concernée par les problématiques des femmes, notamment des femmes des quartiers populaires. Et Barca, on dit pourquoi ne pas finalement créer une association qui se consacrerait de façon plus significative à ces problématiques-là. Voilà. Et donc c'est comme ça que de fil en aiguille est née l'histoire. Et puis on s'est dit pourquoi ne pas vous aider dans un premier temps, quoi. Après on s'y plaît, du coup on reste, voilà. D'accord, mais merci beaucoup. Alors peut-être qu'on va toucher... Attendez, je vous... Alors, on va faire une petite pause musicale avant de retrouver Tom pour le jeu des 1000 bisous. Oui. Ah oui. On va peut-être conclure, peut-être que là, on va toucher à la fin du débat. Si peut-être vous voulez... Ouais. Voilà. Si... Ouais. Donc voilà, peut-être on peut conclure un peu. C'est vrai, c'est trop court. On aimerait que ce soit long. On aimerait que ça dure plus, mais on va être plus. Ça peut durer, on me dit. Et non, j'arrive pas à faire ça. On me fait un signe de tourbillon qui me perd. Je suis perdue. Sinon, on peut faire une pause musicale et reprendre le débat après, mais vous pouvez continuer, il n'y a pas de souci. Allez-y. Pause musicale, comme ça, ouais. Je voulais reparler du quartier par rapport à l'exemplarité des filles et des femmes seules sur le quartier. Est-ce que c'est en lien avec tout le monde? Ouais, donc j'avais envie de terminer sur le fait que... Je vais quand même dire un mot pour mes collègues qui ne sont pas là, qui s'occupent des enfants. Parce qu'après, on va finir sur le cage, l'accueil qu'on a eu, mais ça, ce sera plus tard. H3 Music. We'll be right back. présente et la deuxième. Tu connais toujours sur le rapping. Gros dédicace à l'herbe. Avec eux, on visera le sommet. Puis je suis pas là pour baboter. Des français direct le carnet opposé. Demande à Guigui et Alisso. Bel air, c'est le quartier. Toi, Zahma, tu fais le Pablito. Juste parce que t'as de la poudre au nez. Négro, on va te déshabiller. Et prends le tao de ma piguée. Tous les jours, sur le terrain. J'élimine facile, compliqué. Ouais, la go, tu l'aimes bien. Négro, je sais qu'elle t'a piqué. Moi, je suis SK. Fais pas genre, t'as pas liké plus. Je vais des BM et des AMG, eh ouais. Donc on roulera en grosse cylindrée, casquette, pushka. Ouais, la dégaine, tu l'as capté. Je veux pas finir, on me laisse. Tu m'en verras jamais en état d'ivresse. J'accélère, je passe vite sur la route de la richesse. Il faut que je travaille deux fois plus pour combler mes faiblesses. Maintenant, les boys, c'est le mec de l'RP. Tellement d'ennemis, je ne sais plus sur qui compter. Je crois bien que je peux me retirer, la relève est assurée. Mais tu peux contrôler le milieu comme N'Golo Kanté. Kanté, Kanté, Kanté. Sur moi dans le milieu, je vais m'imposer. Sur qui je peux compter? Tellement d'ennemis, mais nombreux sont mes alliés. Quelques mises à jour entraînant tard la nuit. Je viens de commencer, pour eux c'est déjà fini. Un mal pour un bien, les opposés s'attirent. Le pire des meilleurs, car je suis meilleur dans le pire. Pas là pour t'aider, si t'as le ballon, je vais t'épauler. Comme N'Golo quand t'es dans mon milieu, je vais exceller. Presque pas d'amis, je n'ai que des rêves. Viens pas me faire de numéro, j'ai le 06 ta meuf. Tellement d'ennemis, mes nombreux sont mes alliés. Sur podium, j'ai la première place, m'en fous d'être médaillé. Toujours au QG avec les mecs de l'RB. Sur tes bras, je fais la différence comme N'Golo Kanté. Je suis fier de mon pays, je viens de la RDC. Sur qui je peux compter si je me perds au quartier? La vie c'est pas facile, va falloir charbonner. La vie c'est pas facile, va falloir charbonner. Maintenant, le bail, c'est le mec de l'RB. Tellement d'ennemis, je ne sais plus sur qui compter. Je crois bien que je peux me retirer, la relève est assurée. Mais tu peux contrôler le milieu comme N'Golo Kanté. Kanté, Kanté, Kanté. Sur moi dans le milieu, je vais m'imposer. Sur qui je peux compter? Tellement d'ennemis, mais nombreux sont mes alliés. Alors, vous venez d'entendre Belty Bang, c'est un groupe qui vient d'ici, et on reprend le débat. Hello, je te file le micro. Donc, on reprend la fin du débat, on va essayer de clôturer. Il y a des débats qui ont été soulevés pendant ce morceau, qu'on ne pourra pas soulever là. On va en parler hors micro et hors antenne. Mais voilà, je vais redonner la parole à nos intervenants qui vont... nos intervenants, je dis n'importe quoi. Je te laisse parler. Oui, on a évoqué donc l'enfance dans le quartier, l'adolescence. Je voulais parler de cette équipe du CAGE. Donc tout à l'heure, on a entendu notre collègue Sandrine du secteur social. Et je voulais faire un petit hommage aux quatre secteurs, à Jérôme, Anthony, qui sont les secteurs sport et puis loisirs éducatifs. Dans ce travail avec les enfants tous les jours sur le terrain, c'est un accueil non seulement de l'enfant dans son temps libre, mais c'est aussi la prise en compte de toute la problématique et notamment des mamans qui sont seules dans le quartier, puisqu'on a c'est important le chiffre des familles monoparentales et gérées par une femme seule ici dans le quartier. Et cette équipe du CAGE, que ce soit Sandrine, Anthony, Jérôme, Christophe et toute l'équipe autour, c'est tous les jours qu'on est dans la gestion, non seulement de ce qui est notre cœur de métier, l'animation socioculturelle, mais de tous les petits soucis. On disait tout à l'heure qu'il n'y avait pas de médecin, qu'il n'y avait pas d'infirmière, qu'il n'y avait pas de pharmacien depuis plusieurs années. Et on est le seul lieu ouvert. Donc tout à l'heure, on a parlé samedi, dimanche. Oui, c'est triste parce que tout est fermé, mais toute la semaine, c'est ouvert ici. Et toutes les problèmes urgent, les habitants vont venir ici au CAGE, c'est-à-dire que l'équipe gère son métier, mais gère toutes les situations d'urgence. Et je voulais rendre cet hommage quand même à l'équipe qui est là tous les jours sur le terrain et aux femmes seules aussi du quartier. Donc tout à l'heure, on a parlé de la représentation des filles dans le quartier. Je parlais de la différence avec les garçons. Et c'est vrai qu'on a des filles actives dans le quartier, mais dans une action qui est bornée avec un début et une fin. Ça, c'est une histoire de confiance entre les parents et la jeune fille, et que les jeunes filles peuvent être actives, mais dans un cadre. Et que ça, oui, il y a une inégalité avec le garçon qui est libre de son temps dans le quartier. Sur la représentation des femmes, Sandrine a parlé de tout ce travail autour du théâtre tout à l'heure. Et l'activité qui existe depuis 95 ici, c'est la danse, c'est l'atelier de danse. C'est à peu près 100 à 120 personnes qui passe dans la classe de danse chaque année. La salle de danse, elle est ouverte. Tous les enfants, le soir, peuvent demander à prendre un cours de danse, à rentrer dans la salle. Les garçons comme les filles. Alors, les garçons, ils font de la danse quand ils sont petits. Et puis, quand c'est l'âge du foot arrive, après, ils vont faire du foot. Ils font pas de danse. Bon, ça, c'est encore un grand débat. Ça pourrait faire encore une émission. Notre émission, on a voilà. deux émissions voilà. À venir. Parce que le jour où on expliquera qu'est-ce que c'est qu'un danseur, bah, peut-être qu'il y a beaucoup plus de garçons qui feront de la danse. Et donc, dans ce développement de la danse, et puis des arts plastiques aussi, hein, c'est très mixte au niveau de l'art plastique ici, avec un gros travail autour des arts plastiques qui se fait dans le quartier. La danse, c'est un travail sur le collectif, c'est un travail sur l'art en général. Cette année, tous les danseurs vont travailler sur une œuvre d'art, c'est-à-dire aller au CIBDI, aller au musée du papier, travailler une chorégraphie en fonction d'une œuvre du patrimoine d'Angoulême. Et la danse, je disais, c'est le collectif, c'est apprendre à se prendre en charge. Il y a des jeunes filles du quartier qui sont passées par la classe de danse, elles sont en fac en ce moment. La compagnie de danse qu'on a créée ici en 2011, c'est 100% de résultats au bac avec mention. Et ce sont des jeunes filles qui sont en ce moment à Montaigne, à Paris, qui sont à la fac à Poitiers, etc. Donc ce groupe de filles, c'est un exemple pour les petites filles du quartier. Et je voulais donner quand même une information sur 20 petites filles qui sont à la classe de danse. Arrivées à la puberté, il y en aura 50% qui ne continueront pas la danse. Donc là, c'est vraiment un travail de fond à faire au niveau des familles sur la représentation de la fille en public. On peut être une jeune fille acceptée de sa famille et de la société de Bel Air Grand Fonds et se produire sur scène. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on est reparti en arrière, sur la représentation des filles par rapport à ma jeunesse à moi. Et il y a du boulot là à faire sur avoir le droit de se produire en public. Donc la compagnie Zoumi, c'est 27 jeunes filles qui ont été formées depuis 2011 en danse. Certaines sont en professionnalisation. Une qui est art-thérapeute maintenant, qui a été formée ici. Une autre qui a fait une école de ballet professionnel. On a un garçon qui est rentré dans la compagnie cette année. Et toute l'année, vous entendrez parler de la compagnie Zoumi parce qu'on va être sur le Grand Angoulême, sur toute une série d'animations. Et notre spécialité, c'est l'action sur l'espace public. Donc on est passé au festival Les Insolentes à Montembeuf, sur le festival de Montembeuf, l'imprévu festival. Et donc c'est justement la place de la fille sur l'espace public. Et notre prochaine action, ça sera justement avec Au fil des femmes, sur de Jean-Jacques Rousseau, ça tombe bien, et Allende, ça tombe bien aussi, parce que en juillet, la compagnie va partir au Chili. On est accueilli à Coquimbo et à Santiago sur des actions sur l'espace public au Chili. Et on est actuellement en recherche de mécènes et en recherche de soutien. Et ben voilà, la prochaine action, ça sera certainement à Soyaux avec Au fil des femmes. D'accord, mais merci beaucoup Nathalie. Et peut-être je vais te donner la parole. Comme mot de conclusion, je vais reprendre un peu. La place des femmes dans la littérature. Alors moi, j'ai un positionnement particulier par rapport à ça. Moi, j'ai tendance à ne pas faire de différence, tout en ayant en tant que femme une haute conscience des rôles discriminants donc par rapport à la femme, en n'oubliant pas toute la difficulté que c'est d'être un homme. On en a parlé tout à l'heure, surtout pour l'homme autre. Donc voilà, donc moi je parlerai. Donc en général, présidente de l'association Art, Culture et Équité, un atelier qui va se dérouler aujourd'hui de 13h30 à 17h30, qui pose la question, qu'est-ce que raconter une histoire ? Art, Culture et Équité, qui s'adresse aussi bien aux étudiants du Polymage qu'à toutes les autres personnes qui portent un rêve d'écriture. Et moi, je terminerai juste par l'emblème, la phrase qui résume l'association Art, Culture et Équité, qui est celle de Gérard de Nerval, « Le rêve est une seconde vie ». Et donc, par rapport à ce dont je parlais tout à l'heure, essayer le plus possible de diffuser les questions de littérature, d'imaginaire, d'écriture cinématographique. Voilà, parce que dans le réel, le réel, pour avoir des positionnements, pour le démultiplier, l'écriture, la capacité d'imaginaire, que ce soit par le documentaire, le film, la littérature, voilà, c'est une prise sur le réel. Et comme je disais tout à l'heure, la plus grande des inégalités, pour moi, hein, avec toutes les inégalités qui existent, c'est la capacité de rêve et qui est due, qui est hautement déterminée socialement. Et voilà, je pense que Art Culture et Équité tentaient de, voilà, de proposer des lieux de réflexion et de pratique de l'écriture par rapport à des personnes ou des milieux, entre guillemets, qui ne s'y autoriseraient pas. Donc voilà. Et une dernière phrase de Gérard de Nerval et après j'arrête. Gérard de Nerval, donc à son époque, bon, ça a été un poète incompris, avec des crises de folie, mais il a eu un cri qui est toujours valable à notre époque. Il y a ici des commissaires et des médecins qui veillent à ce que l'on n'étende pas la poésie aux dépens de la voie publique. Et tout à l'heure, on a fait le lien entre les révolutionnaires et la révolution et la poésie. Et comment est-ce que l'histoire nous démontre que quasiment tous les révolutionnaires, quelle que soit notre position idéologique par rapport à eux, ont eu un lien très fort à la poésie, soit qu'ils soient de grands connaisseurs, soit qu'ils l'écrivent. On parlait de Che Guevara, Massoud, etc. Il y a un lien, donc, qui est à réfléchir. Et le thème du concours, il faut rendre les projets le 1er mars, et après, il y aura un pitch lors du Festival du Film Court. Voilà, c'est poésie et portable. J'ai essayé de faire un lien. Il y a une contrainte qui est liée à la poésie et portable. Et tous ceux qui sont là, qui veulent concourir, peut-être, à ce concours, il faut aller sur la page Facebook Art Culture et Équité. Et tous ceux qui nous écoutent. Voilà, j'ai fait de la pub, je suis désolée. Non, mais c'est normal, merci. Ça fait partie. Merci beaucoup à vous. On aurait aimé que ça dure plus longtemps, mais j'espère que vous avez pu aller au bout de vos paroles. Merci beaucoup. D'ailleurs, on peut vous applaudir. On va pouvoir voir à quel point il y a du monde qui nous a rejoint dans la salle. Et on va passer une petite musique avant d'enchaîner avec Tom qui va nous présenter le jeu des 1000 bisous d'ici quelques instants. Et peut-être avant Tom, on va faire un petit crochet parce que juste à côté au cage, il y a une réunion avec plein de monde et peut-être que il semblerait que quelqu'un est venu pour nous en parler ou c'est peut-être nous qui allons nous déplacer. C'est ce câble-là. Voilà. Après la musique. Ouais, après la musique. Au revoir tout le monde. Donc on lance The Lunatic Says What You Mean. Mais en plus, oui, c'est ça, vous êtes. Ouais, merci à vous. Go Kart Record. Ok, parti. I can't, so I won't. I could, but I should. son. Alors, vous êtes bien en direct de la Caradoc qui est délocalisée au Cage parce qu'il faisait un petit peu froid aujourd'hui. On va bientôt passer au jeu des mille bisous où on attend un invité peut-être. Qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur ce petit duplex au Cage? On peut peut-être dire que c'est notre dernière émission et qu'on a vraiment été bien accueillis ici. On a rencontré beaucoup de gens et je pense que ça, voilà, qu'on peut même penser à revenir un de ces quatre. Complètement. Moi, j'ai adoré mes petites balades sonores et juste aussi de rencontres avec les gens ici. C'était vraiment une super expérience. C'est vrai qu'on a été très très bien accueillis, très chaleureusement. Oui, bah on était un peu des immigrés dans le quartier pendant 4 jours. Et c'est vrai qu'on a été accueillis comme si on venait d'ici, quoi. Et les gens ont eu envie de parler au micro et de répondre à et nos puis questions. Ils nous ont raconté la façon dont ils vivaient ici. Visiblement, ils ont dû se sentir quand même un petit peu à l'aise. Donc, c'est que quelque part, le courant est passé. On nous a apporté des super bons trucs à manger aussi. Moi, je ne me remets pas de cette petite chorba d'hier. Merci, Fatima. Merci. Merci, Fatima. Et d'ailleurs, toutes ces rencontres nous ont permis d'organiser un jeu. Voilà. Le jeu des mille bisous. Le jeu des mille bisous. Organisé par Tom. Donc, Tom est en train de lancer le jeu. Est-ce que Tom a lancé le jeu? Je ne sais pas. Non, pas encore. Je suis en train de briefer le public. Voilà. Tom est bientôt prêt. Ça commencera bientôt. Donc, on le rappelle, hein, le jeu des mille bisous qui est un petit peu issu du jeu des 1000 euros. Mais. En l'occurrence, on n'avait pas 1000 euros à donner en gain, donc ce sera plutôt 1000 bisous. Enfin, faut les faire déjà les 1000 bisous. Ouais. Je sais pas si tu te sens, Lucie. Moi, je me sens pas trop, mais bon, peut-être que Tom ou d'autres gens dans le public seront prêts à. Boire beaucoup d'eau, quoi. Ouais, je pense. Est-ce que Tom, tu es prêt? Allez, c'est parti, petit jingle. Ah, ça fait des heures que nous cherchons cette charrette et ce tonneau et rien, toujours rien. Pas d'inquiétude, la Caradoc arrive. Tout doux, Philippe, tout doux. Voilà donc Tom pour les 1000 bisous. Je te passe le micro. Chers amis, bonjour. Bonjour. Superbe public ici aujourd'hui à Angoulême, préfecture de la Charente, où nous sommes heureux de poser nos valises le temps d'une petite émission pour jouer tous ensemble au jeu des 1000 bisous. Les 1000 bisous, vous connaissez le principe bien sûr, 6 questions, 3 questions blanches, 2 questions bleues, 1 question rouge. Si on a bien répondu aux 6 questions, 1 question banco, et si on a bien répondu à la question banco, 1 question super banco. Tout à fait. Angoulême, préfecture de la Charente. Alors, un petit topo sur Angoulême pour les auditeurs qui nous écoutent et qui ne connaîtraient pas cette ville. C'est possible, ils sont nombreux en Charente. Établi sur un éperon dominant un méandre de la Charente et les confluents de celle-ci avec la Touvre et l'Enghienne, la ville est surnommée le Balcon du Sud-Ouest. Le saviez-vous, cher public ? Non ! Eh oui, c'est formidable. La commune compte moins de 50 000 habitants. Et elle est le centre d'une agglomération rassemblant près de 110 000 habitants au 60e rang des plus grandes agglomérations de France. Impressionnant, n'est-ce pas? Eh oui, tout ça, c'est Angoulême. Et aujourd'hui, Angoulême occupe le centre d'une agglomération demeurant parmi les plus industrialisées entre Loire et Garonne. C'est également une ville commerciale et administrative, dotée d'un centre universitaire, bien sûr, d'une vie culturelle remarquablement animée, vous êtes les premiers à vous être rendu compte. Et puis, elle est aussi, bien sûr, dominée par le célèbre Festival International de la Bande Dessinée, qui contribue largement au renom international de la cité, ainsi que le Festival du film francophone, hein, que l'on connaît tous, bien sûr. Et aujourd'hui, pour le jeu des mille bisous, nous jouons avec Clément Cellier et Céline Sampérez-Bedos. Bravo! Bravo! Bravo! Bonjour Clément, comment allez-vous aujourd'hui? Ça va, merci. Alors, qu'est-ce que vous faites un petit peu dans la vie? Dans la vie, je sonorise des concerts. Ah, c'est un beau métier, ça. Et alors, quel genre de concert? Est-ce que vous sonorisez un peu tout ce qui vient? Ou alors, vous avez quand même le luxe de pouvoir un peu choisir les concerts que vous sonorisez? Non, j'ai pas ce luxe-là, non. Tout ce qui vient un peu. Et alors, qu'est-ce qui vient? Dernièrement, pas mal de musique, un peu fusion, quoi. Un peu des mélanges. Musique fusion, ouais. Qu'est-ce que vous mettez derrière ce terme? Fusion, quoi. Fusion. Des mélanges. La dernière fois, c'était de la musique occitane avec de la musique marocaine. Oh, mélangée. Alors ça, c'est original. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle Arabok. Arabok. Excellent. Et alors, vous avez un lien peut-être avec ce groupe ou Non, je travaille avec deux personnes qui ont leur réseau. Et je passe avec eux. D'accord. Voilà. Et est-ce que vous avez des passions, des hobbies dans la vie? Ah ouais, j'adore la bande dessinée. Ah ouais, je suis venu pour ça. Ah. Voilà, rien pour ça. Et comme quoi, il n'y a pas de hasard. C'est ça. Vous aimez plutôt les classiques, plutôt les comics, les mangas, la diversité. La bande dessinée, c'est ma vie, quoi. C'est tous les styles. Ah ouais, les couleurs. Noir et blanc. Vous êtes très ouvert. Grande case. Je vois que vous avez l'air de quelqu'un très ouvert. Ouais. Ouais. D'autres passe-temps dans la vie, la lecture, la marche, la randonnée. J'aime bien marcher. J'habite en forêt, Ouais, vous avez la carrière. Aller voir les arbres, ça, c'est bien. Ça se voit. Vous avez l'air d'être un solide gaillard. Ah, merci. Nous sommes aussi avec Céline Sampérez-Bedos. Bonjour Céline. Bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui? Je vais très bien. Félicitations d'ailleurs à tous les deux pour votre sélection. Oui. Bravo, c'est allé très vite. Qu'est-ce qu'on gagne? Il n'y avait que vous, je pense, qui pouvez être sélectionné aujourd'hui pour jouer au jeu des mille bisous. Ah, trop bien. Qu'est-ce qu'on gagne? Qu'est-ce qu'on gagne? Demandez. Vous savoir. Des bisous, bien sûr. Eh oui, 500 pour le banco, 1000 pour le super. C'est quelque chose ça, non? Ah, c'est beaucoup, hein. Alors Céline, dites-nous tout. Oui. Que faites-vous dans la vie? Pour l'instant, pas grand-chose. Ah ouais? Oui. D'accord. Voilà. Et à part ça? Ah, et bien rien. Ok, rien. Hobby, pas de hobby, j'imagine? Si, la marche, j'aime bien. J'aime bien marcher en ville. Ah, voilà, quelqu'un qui marche. Et si vous n'êtes pas venu en voiture, au moins vous avez trouvé maintenant quelqu'un avec qui rentrer tout à l'heure. On va aller marcher ensemble. Super, là, en plus, on est un petit peu loin du centre-ville. Hein. La première bulle est à au moins 20 minutes de marche. Vous aurez de quoi faire. Ah oui. Eh oui, les bulles, vous savez bien, ces espèces de mini-parcs des expositions, on peut faire la queue pendant des heures avant d'acheter des BD à des prix exorbitants. C'est quand même à ça que ça sert, le festival de la BD. La marche, lecture, non? La lecture, si, ça crée hobby, Vous nous écoutez souvent à la radio? Oui, quelquefois. Même des fois, j'arrive à répondre aux questions. C'est vrai? Ah ouais. Est-ce que vous nous en envoyez aussi des questions? Non, j'ose pas. Ah, vous osez pas? Alors, on rappelle quand même pour les auditeurs, il ne faut pas hésiter. Envoyez-nous vos questions. D'accord. Qu'elles soient bleues, qu'elles soient blanches, qu'elles soient rouges, qu'elles soient banco, qu'elles soient super. Peu importe, envoyez-les. Alors, je rappelle l'adresse postale, bien sûr, 38 rue de Beaulieu pour le studio de radio. Mais vous pouvez bien sûr également passer par notre site internet radioadoc.com à la rubrique contact. Alors, c'est assez compliqué, hein, le menu est assez mal fait, il y a beaucoup de sous-menus. Mais vous pourrez nous trouver facilement quand même à la rubrique contact. Sinon, appelez directement le standard de la radio, il y a toujours quelqu'un qui est à la permanence. Ouais, c'est compliqué. Voilà. Le numéro, je ne l'ai plus en tête, mais vous le retrouverez sur radioadoc.com, pas de problème. Il y a une rubrique dédiée aux questions. Envoyez-nous vos questions. Est-ce que vous êtes prêts à jouer avec nous aujourd'hui? Oui. Eh bien, c'est parti alors pour le jeu, les mille bisous. Excusez-moi, je n'ai pas toute ma voix. Il faut dire que je me suis beaucoup entraîné hier soir à poser des questions à la volée comme ça. Mais bon, ça va le faire. Hein, on y croit. Allez, c'est parti. On va commencer facilement. Petite question patrimoine. Voilà, vous êtes prêts? Oui. Ouais, stressé là. Ah, stressé, peur, je comprends. Peur. Moi aussi je suis stressé, ouais. Si ça peut vous rassurer. Moi j'ai peur. On cherche un animal. Un chat. Alors attendez, d'abord, petit réglage technique. On n'a pas de xylophone aujourd'hui. Nous on fait ça vraiment avec les moyens du bord. Il va vous falloir partager, si vous le voulez bien, un micro pour deux. Est-ce que ça vous va? Oui, c'est les différents. Lequel? Allez, celui-là, vous partagez celui-là. Je donne celui-là à ma réalisatrice qui a l'amabilité de faire le chronomètre, enfin le xylophone, avec sa bouche. Ding. Tout de suite, première question. Nous cherchons un animal. Quel est cet animal? Emblème aussi bien de la Charente que des Charentais, ding, dont il partage certaines caractéristiques. Ding. Les passes. Ding. Comment, pardon? Le cateau blépas. Ah, ding. Non, pas du tout, je ne sais même pas ce que c'est. Ding. Il partage certaines caractéristiques telles que la longueur et qui se prépare ici avec de la chair à saucisse, des tomates, ail et persil. Ding. L'escargot. Ding. La cagouille. Oui, la cagouille. C'est la cagouille. Bravo. Bon, c'était facile. Première question bleue. Réussi, bravo. Et c'est quoi cet animal? C'est un escargot. Okay. Ah oui, petite précision pour Clément qui n'est pas charentais. La cagouille, c'est le nom de l'escargot ici. Voilà. Généralement, ça désigne le petit gris. C'est pas les gros de Bourgogne. Ce sont les petits escargots. Alors, deuxième question, est-ce que vous êtes prêts? Chaud. Oui. Alors, nous sommes ici à Angoulême, on n'a pas précisé, mais nous sommes dans le quartier de la Grand Fond. Pendant une semaine, plusieurs émissions se sont succédées dans la caravane juste en face de nous. Nous sommes dans le centre d'accueil jeunesse. Ding. Mais au fait, on parle de Grand Fond. Mais qu'est-ce que la Fond? Ding. La fontaine. Ding. Mais bravo! Bravo, c'est tout à fait ça! Très bonne réponse! Allez, on continue. Une question qui nous a été envoyée de la part de Régine Taloche à Montembeuf en Charente sur un tout petit papier Bristol. On cherche un objet. Ding. Un objet de la vie courante. Ding. Qui est étroitement lié à la ville de Pont-à-Mousson. Ding. Les plaques qu'il y a par terre là. Ding. Les plaques, il faut être un petit peu plus précis. Les plaques en fonte. Les plaques en fonte, les plaques de... Les plaques d'égout, bien sûr. Bravo. Très, très bonne réponse de la part de nos candidats. On cherche maintenant une commune de la Charente. Ding. Ah, ça se corse peut-être pour notre ami qui n'est pas charentais. Angoulême. C'est assez dur, mais heureusement, vous allez entendre la question, c'est trouvable. Il n'y a pas besoin de connaître la Charente. Quelle est cette commune de Charente dont le nom évoque un coup porté en traître de façon tout à fait inattendue? C'est aussi la commune d'origine de François Mitterrand. Jarnac. Oui, c'est ça, Jarnac. Bravo, bravo. Trop forte. Elle est très forte. Elle est très très forte. J'ai fait une chance. Ah oui. Albert Sauzet à Saint-Hilaire-de-Lusignan Petit. Ah oui, très belle équipe. J'ai eu de la chance en fait. Mais ouais. C'est une très très très belle équipe. Alors bon, pour la petite histoire, c'est une allusion à un duel qui a eu lieu au XVIe siècle, il me semble, voilà, en 1547. C'est le baron de Jarnac qui a tué en duel certain François de Vivonne, seigneur de la Châtaigneraie, en lui portant un coup imprévu. Alors c'est assez incroyable cette histoire. Il le fendit d'un revers de son épée. Et tout le jarret. Et suite à ça, on a pensé que c'était un coup porté en traître. Alors que non. L'usage est en tort. C'est un coup tout ce qu'il y a de plus réglo, comme on dit aujourd'hui. Voilà. Je tenais à le dire, hein. C'est une question qui me tenait à cœur parce que vraiment, le coup de Jarnac, c'est pas toujours bien vu, alors que franchement, normalement, un coup de Jarnac, bon, normalement c'est bien quoi. Voilà, je sais pas trop comment le dire, mais j'aimerais, bon voilà, on va le dire, j'aimerais bien qu'on revienne un peu sur cette histoire de coup de Jarnac parce que voilà, c'est plus du tout ce que c'était aujourd'hui quoi. À l'époque, un coup de Jarnac, c'était vraiment quelque chose de beau. De vraiment dans les règles de l'honneur, enfin il y avait rien de plus beau. Voilà, je me retourne vers le public, je vous le dis, le coup de Jarnac c'est bien. Voilà, on peut passer à la suite. Excusez-moi, ça me tenait à cœur. Ouais, il fallait le dire. Voilà, il fallait que ça sorte. On passe tout de suite à la question rouge. Question histoire. Ding. C'est dur ça. Ouais, ding. Question histoire, c'est très dur. Ding. Quel roi de France est originaire de Charente? Louis XII, Louis XI, Louis XIII. Henri IV, non. Henri IV. Non, c'est pas lui. Charles X. Continuez. Philippe le Bel. Ding. Non. Philippe le Quint, Hugues Capet. François Ier. Oui, c'est François. Ah, ils sont très bons. Plus qu'une question avant d'accéder à la question banco. On cherche une rivière. Une rivière charentaise. Quelle est cette rivière? La Charente. Affluent de la Charente. Ding. Née la Charente. De deux sources. Ding. Le Bouillant. Ding. Et le Dormant. Et longue Ding. De 10 km. Elle est toute petite. Ding. Elle passe juste Ding. À côté d'Angoulême. Ding. Oh, la Garonne. Ding. Ce n'est pas Ding. La Garonne, non. C'est une petite Ding. Rivière. Ding. Pour donner un indice, elle nous vient de Roger Ding. Trombu à Ruelle. Ding. En Charente. J'ai pas le droit de souffler. Ding. Je vous rappelle que Ding. La question nous vient de Ding. Roger Trombu à Ruelle. En Charente. Ruelle, c'est la rivière au Trobu. Ruelle sur Charente. Tour. Bravo. Ils sont vraiment décidément très forts, ces candidats. Merci, Flo. Céline, Clément, vous avez répondu à 6 questions. 3 questions rouges, 2 questions blanches et 1 question bleue. Vous pouvez donc tenter le... Banco, banco, banco, banco, banco, banco, banco. Merci le public, vous êtes vraiment exceptionnel. Alors, que décidez-vous? On essaye, on a décidé, ouais, là. On a une bonne équipe. Et alors, vous me dites? Ouais, on dit oui. Vous dites banco, bien sûr. Attention, question banco, ça commence à se corser. On cherche Ding. Encore un petit animal, Ding. Un petit oiseau. Ding. Quel est cet oiseau gris? Ding. Petit passereau de Ding. La même famille que Ding. Les pipis et les sentinelles. Ding. Et qui a donné son nom à un Ding. Bâtiment Ding. Juste ici, Ding. Dans la Grand Fond. Ding. La banane. Ding. Ding. Églantine. Ding. On va qui écoutait les Ding. Émissions, mais pas au bon moment. Ding. Ding. Ding. Le cage. Excusez-moi, par contre, on n'a droit qu'à une seule réponse. C'est quand même la ding. Question banco. C'est ding. Sérieux. Ding, ding. Alors, je vais faire comme on si je n'avais rien entendu. Ah, ding. Ça commence ding. Par quelle lettre? Ça ding. Commence par ding. Un ding. B. Ding. Un quoi? Un B. Un B. Ça souffle ding. À la technique. Ding. Ding. Ber. Bergeournette. On est. Ouh là là, c'était vraiment moins une. Bravo, c'est bien ça. Wow. Ding, ding, quoi, ding. La bergeronnette, la réponse est exacte. Bravo. Mes plus vives félicitations à nos deux candidats, Céline et Clément. Vous venez de remporter 500 bisous. C'est énorme. Chacun. C'est énorme. Ah. Non, 500 bisous à partager. Ah. C'est les règles. Bon, on n'est pas non plus tout à fait doté en moyens. On ne peut pas se permettre de distribuer des bisous comme ça. Mais 500 bisous, c'est pas rien. Est-ce que vous êtes prêt à le remettre en jeu pour doubler vos gains, doubler vos bisous? Ou rester là et repartir avec vos bisous? Alors, vous avez encore une chance de tenter le... Super, super, super, super, super, super, super, allez. Merci le public, vous êtes vraiment superbe ce matin, vraiment dans une grande forme. À côté de moi, vraiment, je fais pas le figure. Alors que tentez-vous de faire? Que décidez-vous de faire? On tente le super? Super morceau. Super, super! Attention, petite concentration, hein, c'est quand même la dernière question. La question à 1000 bisous, ça n'est pas rien. C'est une question qui nous a été envoyée de la part de Emmanuel Laurentin à Paris. Comment s'appelle ce général angoumoisin, pionnier de l'aviation, qui s'était lancé des remparts d'Angoulême en 1801, équipé d'ailes artisanales? J'ai pas compris la question, vous pouvez répéter? Bien sûr, je peux répéter la question. On ne fait pas partir le xylophone. On cherche un général angoumoisin, pionnier de l'aviation, qui s'était lancé du haut des remparts d'Angoulême en 1801, armé d'ailes artisanales. D'accord. Mais pourquoi il s'est lancé des remparts? Il a fait ça? Ah, vous me répondez à une question par une autre question. Écoutez, ce n'est pas prévu dans les règles du jeu. Je ne sais pas quoi vous répondre. Je n'ai pas l'habitude qu'on me pose des questions. Pardon ? Combien de mètres il a volé ? Ah, alors ça, c'est une bonne question, vous voyez. C'est peut-être une question super, super. Ça nous aiderait beaucoup. Hein. Alors, je peux vous dire, il a volé sur une distance de 300 mètres. Et c'était le troisième essai en 1801. La première fois, il est tombé dans la Charente. Non, la première fois, il a fait 50 mètres. La deuxième fois, il est tombé dans la Charente. Et là, il a fait 300 mètres. Il ne s'est cassé qu'une jambe. Il s'est transformé. Comment s'appelle-t-il ? Il y a une plaque à son nom du haut des remparts. Ding. Attention, ding. Une seule réponse. La rue ou la ding. Place ding. Là où il y a la plaque. Je crois que nos candidats sont en difficulté. Ding. Ils sont sur le point ding. De perdre 500 voilà. bisous. Aide-nous, aïe, aïe, aïe, aïe. Ding. Ding. Mais oui, c'est la question ding. Super banco, c'est ding. Normal. Ding. J'ose pas. Je crois qu'on arrive au bout ding. Du temps réglementaire. Et ding, ding, ding. Eh bien, désolé, c'est trop tard. Oh. Vous avez perdu. Oh. Mais je vais quand même vous donner la réponse parce que ça fait plaisir et je vous donnerai quand même 5 bisous chacun. Ça, c'est pour moi, ça me fait plaisir. 5 en public et peut-être d'autres après. Parce que vous avez été de super candidats. La réponse, c'était le capitaine, le général André Guillaume Régnier. Voilà. Vous pouvez voir sa plaque près du parking de Beaulieu, près au-dessus du Jardin Vert. C'est de là-haut qu'il s'était lancé. Eh bien voilà, nous arrivons au terme de cette émission. Tant pis, pas 1000 bisous, mais quand même au moins un énorme bisou à gauche. Désolé, je sens encore l'alcool. Légèrement. Oui, on me l'a dit plusieurs fois. On me le dit tous les jours, d'ailleurs. Je voudrais quand même qu'on fasse un tonnerre d'applaudissements pour Céline et Clément, qui ont quand même remporté notre vote. Merci beaucoup. À tout jamais. C'était une très belle expérience. À vous les studios. Rendez-vous lundi, si le cœur vous en dit. À ciao, ciao. Je lance un billet. Caradoc, Caradoc, Caradoc. La Caradoc arrive. On lui apporte son épée. Radio Adoc 101.1. Alors, on revient sur le plateau en direct de la Grand Fond. J'invite les gens qui ont participé à cette émission à revenir sur le plateau. Céline. C'est... Bon, bah... On remercie chaleureusement le CAGE et Christophe Montero de nous avoir accueillis ici. Et les habitants du quartier de nous avoir accompagnés aussi tout au long de ces trois émissions, quatre émissions. Dont la première a un peu crashé. Un peu crashé, oui, effectivement. Céline, tu veux nous présenter... Juste ton petit son, là. Ouais. En fait, on a dormi. C'était ici. Vraiment une immersion ici, puisqu'on a dormi ici, on a dormi dans le centre. Et le premier matin, on a été réveillé à 7h par Stéphanie, qui vient faire le ménage tous les matins du lundi au vendredi, et qui nous a accueillis. En fait, elle nous avait réveillé, elle nous a fait le café. Alors, voilà, on a sympa, un peu discuté avec elle. Mercredi, elle est arrivée pour venir nous voir en nous disant attention, demain 7h le réveil, hein, on vient faire le ménage, ça rigole pas. Ouais. Et voilà, c'était un chouette moment. On lance le PAD. tu fasses le café ? On va le faire. Hein. Oui. Donc il est quelle heure là ? Vous commencez à quelle heure le matin ? Bon, on va laisser le CR continuer. Entre 7h et 7h15. Quand j'arrive. Comme en ce moment, il y a beaucoup de travaux, les bus sont beaucoup en retard. D'accord. Donc, sinon, c'est 7 heures. 7 heures. Et vous travaillez tous les jours ? Tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Du matin au soir. Pour toute la journée ? Oui, mais pas ici. D'accord. Là, okay. Je suis là que le matin, jusqu'à 11 heures. D'accord. Et après l'après-midi, je travaille dans une autre structure. De ici au cage, non, c'est un CMPP. D'accord. Okay. De 4h moins le quart jusqu'à 8h moins le quart le soir. D'accord. Ah ouais, mais je suis fait 42 heures par semaine, alors j'ai pas envie de travailler le week-end. 42 heures. Ouais. Ah ouais, ça fait des grosses semaines. Hein. Ça fait des grosses semaines. Tout à Angoulême, tout. Oui, ouais. Tout dans le quartier. D'accord. Et vous habitez dans le quartier ? J'ai habité le quartier pendant 20 ans, ouais. Mais ça fait 5 ans que j'en suis partie. Ah, et pourquoi ? Vous avez trouvé une maison, peut-être, ouais. Ou quelque chose ? Voilà, on a quitté les HLM et puis on s'est mis dans une petite maison à l'extérieur d'Angoulême et on est beaucoup mieux. Ouais. Pourquoi ? Oh, parce que c'est... Moi, j'ai connu le quartier tranquille, bon enfant. Ouais. Et à un moment donné, c'est devenu un petit peu vraiment le bazar. On pouvait plus dormir, c'était vraiment le bazar. Donc mon mari a dit, avant que je tue quelqu'un, vaut mieux que je parte. Ouais, ouais. Mais le bazar, c'est-à-dire, c'est parce qu'il y avait des petits problèmes de délinquance, d'incivilité. Ah non, c'était plutôt de l'incivilité. C'est les gens qui respectaient pas les autres. Bon, c'est le dire tout le temps, se disputer avec les gens, c'est pas mon truc. Donc j'avais des bons rapports de voisinage, même avec les nouveaux arrivants. Bon, et puis c'est vrai que une petite maison c'est quand même plus tranquille qu'un HLM quoi. Ouais. Vous avez un jardin ? Oui. Ouais. Oui, j'ai un jardin, j'ai une terrasse. Non, je suis très bien moi là où je suis. Très bien. Je veux plus en partir. Ouais. Quand vous viviez dans le quartier, vous faisiez des activités ici ou Bah, je travaillais déjà ici. Ouais. Bon, ça fait maintenant, ça fait presque 25 ans que je travaille ici. D'accord. Eh oui. Bah, les activités, on y participait. Enfin, fallait organiser, fallait. Je faisais un peu tout, quoi. Ouais, ouais. On était très polyvalents avant. Moins maintenant. On s'occupe moins des actions. Enfin, moi, je m'en occupe moins. De toute façon, je m'en occupe plus. Le centre social, c'est un endroit où il fait bon vivre et même travailler. En tout cas, c'est un endroit chaleureux. Hein. Enfin, on essaye. Enfin, non, mais c'est vraiment un endroit chaleureux, ouais. Ouais. On a toujours essayé d'accueillir correctement les gens, d'essayer de... Oui, qu'ils se sentent chez eux, en fait. C'est le but. S'ils ont un problème, ils peuvent venir, ils peuvent discuter. S'ils ont envie même de discuter, ils prennent n'importe qui, ils vont vers une personne et hop, et puis ils parlent. Et ouais. Je trouve que c'est hyper important. Même nous, si on voit des gens qui sont pas bien, ben on va aller vers eux. Tu vas pas bien aujourd'hui, t'as un souci, t'as quelque chose. Non. Puis voilà, même nous, entre collègues, c'est une grande famille maintenant. Je trouve qu'il y a beaucoup moins de solidarité. Ouais, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, que le quartier, avant, vous l'avez connu plus calme. Oui, plus solidaire, mais ça bougeait pas pareil. Les gens avaient peut-être plus envie. Là, on a l'impression maintenant que c'est beaucoup plus communautaire. Donc, ils ont un peu du mal à se mélanger ou à faire des choses ensemble. On dirait presque aussi qu'il y a un peu la peur de l'un et de l'autre, et ce qui est un petit peu dommage. Donc, heureusement que le centre social est quand même là aussi pour faire le lien avec toutes ces personnes, pour essayer de les réunir, essayer de les faire avancer ensemble. Et je trouve que c'est important. Heureusement d'ailleurs que ça existe. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont très solitaires, qui sont chez eux, renfermés, qui n'osent même plus sortir. Mais pour moi, c'est c'est hyper important de voir plusieurs univers, de connaître plusieurs univers, de rassembler nos connaissances et nos façons de vivre aussi. J'ai beaucoup d'amis dans le quartier qui sont d'origine différente, mais moi j'aime bien discuter de ce qu'elles font elles, comment nous on fait les choses. Et bon, après on peut même débattre. Oui. Le fait que certaines choses, comme pour les femmes, surtout, qu'ici, elles sont en France, qu'elles ont des droits, qu'il y a des choses qu'elles peuvent faire, que même si on leur dit que c'est interdit, ben, ici, ça peut être autorisé. Elles sont libres. On a du mal à lâcher l'antenne, et puis on a été rejoint par Patrick Bourgoin, adjoint au sport. Et par Christophe Montero, directeur du CAGE. Alors, petit jingle, et puis... Caradoc. La Caradoc arrive ! On lui apporte son épée. Radio Adoc, 101.1. Alors, il me semble que Patrick Bourgoin avait une super histoire de radio. Ah oui, bien sûr, bonjour d'abord. Bonjour. Et oui, j'ai une super histoire, puisque ce que vous faites là, moi je l'ai fait quand j'étais beaucoup plus jeune, en 1982, au temps des radios libres. On avait créé une radio sur Angoulême qui s'appelait Renaissance, et on avait une centaine d'animateurs, et c'était une ambiance super. Et ce que vous faites, c'est vraiment, félicitations, c'est quelque chose de très bien pour le quartier, pour Angoulême. C'est redonner du goût aux gens à écouter la radio, et c'est super. Eh ben, on vous remercie, par contre, ce n'est pas l'avis de Christophe que je vois souffler à côté de moi. Non, tu te trompes. Ton œil te... Mon œil méchant. Ouais, voilà. Non, mais aussi, pour les petites histoires aussi, Quartier Orange, qui est devenu Quartier Attitude, a été créé au CAGE, au fond, dans une salle, il y a, pareil, en 82-83. Voilà. 82-83 également. Et le projet a été abandonné ? Non, il continue. C'est devenu Quartier Attitude, Radio Attitude. Ah oui, d'accord. Et Renaissance est devenu Fun. Fun Radio. Ah, c'est... Voilà. Ok, alors... Donc vous voyez, vous avez du temps devant vous pour devenir une grande radio. Oui, alors Fun, jusque-là, j'espère pas quand même. Je sais pas vous, mais moi ça me branche pas trop. Non, c'est pas une radio, c'est plus une radio de quartier. Alors du coup, vous êtes adjoint au sport. Alors, oui. Du coup, vous pouvez nous parler un peu de ce que vous faites ? Ah oui, je suis toutes les associations sportives, notamment celle du CAGE. Hein, notamment, oui. Est-ce que vous faites du sport ? C'est un grand footballeur. Ben, moi, j'ai joué au football à un bon niveau. Un bon niveau, peu importe, il y a de nombreuses années. Et puis là, je continue à faire du sport. Avant la guerre. Comment ? Avant la guerre. Oh, quand même pas, mais... Il est vache, Christophe, il est vache. Oui, mais on se connaît bien. On se connaît bien avec Christophe, il n'y a aucun problème. Non, et puis je fais un peu de vélo, de la course. Je joue encore un peu au football, mais pour quelques raisons, j'ai arrêté. Et puis je fais du surf, voilà. Du surf ? Ouais. Où ça ? Au Pays de Basque. Sur la Charente. Youhou ! Non. Et alors notre thème d'aujourd'hui, c'était les femmes, la place des femmes dans le quartier. Est-ce que vous pouvez nous parler du sport féminin ? Bien sûr, dans le quartier, vous avez un représentant, un porte-drapeau qui est super. Ce sont la CH qui ont gagné hier au soir contre Mérignac et qui ont une très bonne équipe de handball. Ce club a beaucoup de jeunes du quartier Bel Air-Ganfond. Hein, et la présidente Evelyne Rocher s'en occupe vraiment remarquablement. Et il y a une bonne équipe, il y a des jeunes, donc il y a tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne et que ça anime le quartier. Il y a même une jeune fille du quartier qui est en équipe de France cadette. C'est beau. Zaïtla, ouais, qui fréquente le centre social et qui est en équipe de France cadette. Eh bien, bravo à... Comment elle s'appelle ? Zaïtla. Alors, on me glisse dans l'oreillette qu'il y aurait un décrochage possible. Alors, il n'y aura peut-être pas de décrochage parce que l'équipe à côté est en train de manger et c'est difficile de les couper pendant le repas. Mais peut-être vous pouvez faire une présentation de ce qui se passe. Oui, il y a le consul général du Sénégal de Bordeaux est présent aujourd'hui dans nos locaux pour accompagner la communauté sénégalaise à travers les papiers. L'idée, c'est que au lieu de prendre rendez-vous et d'aller à Bordeaux, prendre rendez-vous, se déplacer, etc. Donc c'est eux qui viennent avec leurs outils pour pouvoir accompagner les habitants d'origine sénégalaise ou sénégalais à travers l'obtention de leurs papiers. Il y a aussi un côté aussi autour des élections, bien sûr. Et nous, ce qui est intéressant pour le CAGE, c'est bien sûr d'accueillir et d'être en proximité. Mais derrière, de tirer des fils, parce qu'on va travailler sur un petit peu la visibilité de la communauté sénégalaise, montrer ce qui est beau, les échanges. Donc on va travailler derrière sur des échanges entre les différentes communautés et bien sûr la communauté sénégalaise. Il y a beaucoup de Sénégalais à la Grand Fond ? 58. Non, je rigole, je ne sais pas. Merci Christophe pour ces chiffres précis. Et puis ce qui est agréable avec la communauté sénégalaise, c'est qu'ils viennent d'un pays qui est merveilleux, qui est très très joli. Et puis le Sénégal a toujours été aux côtés de la France dans les bons et dans les mauvais moments. Et ça, il faut le signaler et les en remercier. Merci à vous. Merci à eux. Alors, je sais pas, est-ce qu'on fait un petit bilan de ce qui s'est passé pendant ces quelques jours, tous ensemble? En plus, on a Christophe. On peut avoir ton avis si chaleureux. Chaleureux. Déjà, merci à vous. Merci à vous, parce que l'idée d'un centre social, encore une fois, c'est l'idée que ce lieu vive et vous donnez de la vie à ce lieu. Et c'est important, vous montrez qu'on peut cohabiter, on peut habiter ensemble, on peut aller les uns vers les autres. Et c'est bien la base de ce qu'on recherche tous, hein, à un moment donné, surtout aujourd'hui, dans la société dans laquelle on vit, et par rapport aux images qu'on peut avoir, et surtout par rapport... Qu'est-ce Abinta. J'arrive. Alors Christophe est très demandé. Et... C'est Mabinta, hein. Son quartier. Et donc l'idée, voilà, c'est de donner, on voit bien les médias, même si ici c'est un média, mais des fois il y a des images des médias qui donnent voilà, un côté un peu négatif du vivre ensemble. Et là, voilà, vous donnez un bel exemple et j'espère qu'il y aura des choses derrière et que pour vous aussi, ce sera l'idée d'un début et qu'on pourra continuer à tirer des fils pour encore une fois mettre en place des outils pour que les gens vivent ensemble et sortent et fassent l'effort d'aller les uns vers les autres. Parce que le but d'une vie, je pense, c'est quand même d'aller les uns vers les autres. Même si on a un regard méchant. J'ai pas du tout un regard méchant, Christophe. Mais je te remercie. Alors, je sais pas, un dernier mot par tout le monde, peut-être par l'équipe de la Caradoc. On est content. Alors, Elodie est contente. Ah, moi aussi. Céline aussi. Ah, ah, ah, le retour. Vous voulez dire deux, trois mots? 10 minutes. 10 minutes, on devra rendre l'antenne, ça va être compliqué. Ok, bon, Christophe est parti. Au revoir, Christophe. Ah d'accord, et Patrick Bourgoin suit Christophe. Voilà. Merci d'être venu, bon. En tout cas. Et merci de votre accueil. Merci, pas de souci. Alors voilà, la Caradoc, c'est fini pour le moment. La Grande Fonte, notre super émission qui a duré 4 jours. Oui, 4 jours. Un petit bilan, c'est lui. Bah, le petit bilan, c'est l'accueil. Enfin, c'est la façon dont on a été accueillis. Enfin, moi, j'ai trouvé ça vraiment très chouette. Et puis aussi le rôle des habitants. Enfin voilà, il y a plein de choses à faire en fait ici, plein de choses. Ouais. Et c'est facile et c'est facilité par les gens ici qu'on a rencontrés au cage. Et c'est vraiment chouette de voir à quel point c'est facile de faire des choses. Nausicaa, dis-nous quelque chose. Non, mais ça donne envie de rester longtemps sur des lieux aussi. Enfin, je sais pas, ça donne une autre dimension à la radio, je trouve. Et le fait que vous ayez dormi, Elodie et Céline, ici, et que vous étiez là aussi, et Marie et Flo. Et que vous ayez été là toute heure aussi de la journée et de la nuit. Bah voilà, parce que vous êtes baladé tard parfois, vous avez fait des rencontres qu'en fait on n'aurait pas pu avoir sur le plateau ou même dans des prêts à diffuser si ça avait été en journée. Et donc juste, ouais, ça donne envie d'aller plus loin là-dedans, quoi. Lucie, à la technique ? Moi, je trouve que ça donne du sens à ce qu'on fait dans nos études, par exemple, et qu'à mon avis, c'est quand même plutôt pour ça qu'on le fait. Donc voilà, c'était super chouette d'être ici. On remercie Joanne aussi, qu'on entend beaucoup dans les jingles, quand même. Spécialiste du jingle, tu vas en faire un direct ? Bon voilà, on vous remercie en tout cas, et puis évidemment, on n'a pas envie de vendre la caravane. Non. On se quitte avec. Oh, belle transition. Plutôt crevé. C'est son dernier cadeau. Je lui dis, Jacques, mais c'est de la folie, il faut vendre la caravane. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, banco. Ça faisait des mois qu'il traînait dans le garage à prendre la poussière. Mais non, plutôt crevé que de vendre la caravane.